Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette émission de rentrée de Podcastination, les intermittents de podcasts. Alors pour changer un peu de ce qu'on fait habituellement, cette première émission de la rentrée va se lancer sous le signe de notre consommation culturelle de l'été. Alors évidemment on va vous parler de manga, même si on va quand même vous garder quelques munitions pour le prochain bimestriel, hein. Sans problème, mais on vous parlera aussi de cinéma, de séries, de livres, vraiment tout ce qu'on a pu faire cet été. Histoire de se relancer tranquillement avant une belle saison 2014-2015. Alors pour ce retour derrière le micro, j'invoque bien évidemment Tuntun. Bonsoir Tuntun. Yo. T'as bien profité de cet été? Entre 8 semaines de boulot, j'ai pu partir une semaine en vacances. Donc c'était bien. Et bah parfait, et comme évidemment pour changer, nous ne sommes pas tout seuls. Puisque nous avons aussi un de nos invités réguliers, souvenez-vous de la fameuse saga Kirby, notamment. Donc nous retrouvons également Shkao. Bonsoir Shkao. Bonsoir Terrien. Et toi, comment va sous cette chaleur amazonienne? Je devrais être cuit d'ici peu de temps, tout va bien. Tu pourras te retourner comme ça, ce sera à point, ce sera parfait. Alors on va commencer... Tranquillement, on va commencer par le cinéma, deux films. On va pas vous parler des sorties d'animation, parce que là encore, on fera pas doublon par rapport à ce qu'on pourra vous proposer dans les prochaines émissions de Celluloid. Mais du coup, il y a eu quand même quelques beaux films, notamment un qu'on a vu tous les trois, que nombreux sont les Français à être allés le voir à cet été, puisqu'il a fait quasiment 2 millions d'entrées. Ce qui est quand même pas trop mal pour une licence, même si c'est une licence Marvel, puisqu'on va vous parler des Gardiens de la Galaxie. Alors, Shkao, Tuntun, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film qui est basé donc sur une licence Marvel qui est pas la plus connue de toutes? Loin de là. Antoine, Tuntun, pardon. Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé, j'y allais forcément... J'y suis allé un peu après tout le monde, donc j'avais tous les retours très positifs. L'univers, enfin le fait que ça soit du cosmique me plaisait bien de base. Et voilà, je l'ai trouvé extrêmement bien fait, relativement fin, notamment dans l'écriture, dans les dialogues, avec pas mal d'humour et puis de la bonne action. Techniquement, c'est plutôt plutôt pas mal, la 3D est vraiment cool. Vous l'avez vu en 3D? Ouais, un des meilleurs films en 3D que j'ai pu voir, vraiment. Je l'ai vu en VO aussi, et ça c'est bien. Une très bonne, pas surprise, mais un très très bon film. C'est quand même marrant de se dire qu'il y a quand même un beau casting, dont deux figures animées, parce qu'on a Rocket Raccoon et on a Groot. Qui fait penser, moi ça m'a fait un peu penser à Han Solo et Chewbacca dans Star Wars, pour le côté du Rocket Raccoon qui fait la traduction de Je suis Groot, qui ne dit que ça d'ailleurs tout au long du film. Alors Shkao, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Alors je serais un peu plus nuancé, puisque j'y suis allé en mode hype total. J'ai été hypé à mort par le film et j'aurais dû me calmer un petit peu en fait. C'est jamais bon ça, quand t'arrives comme ça. Et qu'est-ce qui t'a déplu justement par rapport à ce que disait Tuntun? Alors soyons clairs quand même, je mets un bon gros 8,5 sur 10 au film, à vue de nez. Ah, quelle déception. C'est clair. Non mais en fait, ce qui m'a déplu en fait, bizarrement, ce sont les deux personnages qui ont le plus plu au public, ils les découvraient. C'est-à-dire nommément Rocket et Groot. Pourquoi je vais m'expliquer, c'est parce que c'est par rapport au personnage de base. Alors Rocket, encore ça peut aller, mais il est beaucoup plus roublard que ça en temps normal. Oui. Heureusement, au moins on voit tout, une bonne partie de ses aspects, c'est-à-dire il est stratège, mine de rien, il adore les armes à feu, et il a un franc-parler, quand même, mine de rien. Et c'est un raton laveur, si. Et quant à Vin Diesel, je veux dire Groot. Alors, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est qu'il est nettement moins intelligent que dans la BD. En fait, C'est-à-dire que je peux parler un petit peu d'une scène du film là où Bien sûr, vas-y, vas-y. voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Rocket qui élabore un plan alors qu'ils sont dans une prison pour pouvoir s'échapper. Ah, mais c'est quand même super drôle ça. Attends, je t'arrête tout de suite, c'est quand même super drôle parce que. Je laisse continuer, pardon. Oui, je suis d'accord, ce qui se passe est super drôle, surtout la dernière demande de Rocket. Oui, bien Je sûr. laisse la surprise, mais j'ai été mort de rire. Et en fait, Groot va un peu vite en besogne, il n'attend pas le début des opérations, et du coup, ils sont obligés de se mettre dans la précipitation et de se mettre au plan. Et ça, c'est pas tout à fait digne de Ouais, Groot, quoi. c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait Voilà. dans le comics. Voilà, exactement. Après, bon, bah, il reste Groot. Il a toujours à dire je s'appelle Groot, donc en français, parce que moi j'ai vu en français, pas trop le choix, on va dire, là où je D'ailleurs, suis. pour la petite anecdote, c'est donc Vin Diesel qui fait la voix américaine, mais c'est aussi Vin Diesel qui fait toutes les voix Ouais. de Groot pour tous les films. Donc il le fait aussi en français, et notamment, je crois qu'il y a une faute d'ordre, il y a une faute en fait, une faute de conjugaison, et qui ou une faute, voilà, une faute grammaticale, et qu'ils ont conservé parce qu'ils ont finalement trouvé ça drôle et que ça correspondait plutôt pas mal au personnage Dans le tel qu'il est film. présent dans le film. Hein. Ah d'accord, justement, je me posais la question, c'est est-ce que c'est pas l'équipe de traduction qui a fait exprès, quoi, donc Non, apparemment c'est une erreur. D'accord. Ah, je préfère Mais ça, par exemple. qu'ils ont conservé. Voilà. Ouais, non, parce qu'il est un peu. Il est un peu con comme ses racines, hein, le Groot, dans ce film. Donc, bon, bref, c'est ces points-là qui m'ont déplu, mais sinon, autant le dire, hein, c'est très bien rythmé. Visuellement, t'en prends plein la gueule, parce que de toute façon, on est Disney, on est Marvel, et on est là pour ça. Et puis voilà, quoi. Il y a quand même six personnages principaux dans ce film, et les six Ouais, sont bien très bon. exploités. Et C'est fou. notamment, j'ai été assez étonné de la part de Batista, le catcheur qui joue Drax, et que j'ai trouvé plutôt intéressant dans son rôle, quoi. Drax, c'est super intéressant comme personnage. C'est un autiste, en fait, mine de rien, Drax, puisqu'il piche pas. Il Je dis comprend pas le ça. second degré Voilà. et les formules imagées. Ouais, je dis ça au point de vue médical. Hein. Batista fait extrêmement bien l'autiste, du coup. Je vais rapidement parler moi de ce que j'ai pensé du film. Ah non. Ah si, ah, si, si. Est-ce que j'ai un peu, pareil, j'étais un petit peu déçu parce que c'est toujours par rapport à ce que, Chaos disait, c'est-à-dire qu'il y avait quand même eu les premières diffusions, même déjà les diffusions avant même que le film soit sorti pour la presse, c'était assez dithyrambique, hein. Notamment pour les connaisseurs des comics et voilà tous ceux qui ont un intérêt vis-à-vis de cet univers-là. Et alors moi j'ai trouvé, comme vous évidemment, c'est un bon film, c'est un excellent divertissement. Je sais pas, je trouve qu'il a manqué quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport finalement au manque d'intérêt du méchant qui m'a beaucoup fait penser en fait au méchant de Thor 2, c'est-à-dire que c'est plus un méchant Kleenex qui Il sert à introduire le vrai méchant qu'il y aura dans le ouais 2, quoi. qu'on avait déjà vu C'est exactement ça. qu'on avait déjà vu dans The Avengers, mais Exact, mais en post-générique. oui c'est sûr, mais ouais, alors là c'est vrai que du coup on le voit, donc on le voit un peu plus évidemment que ce qu'on avait vu dans The Avengers, mais du coup ça m'embête toujours un peu ce type de personnage qui sert à rien, Ouais. qui est Après, pas c'est. Voilà, et. Enfin, le film sert clairement d'introduction. À l'équipe en place, enfin à l'équipe actuelle, même si dans le 2 il y aura certainement de nouveaux venus, mais ça sert surtout d'introduction, et c'est vrai que on pourrait reprocher ça au film, quoi. Mais complètement, du coup, moi, ça m'a fait un peu penser du coup au premier, dans le même ordre d'esprit, au premier Sherlock Holmes avec celui qui joue Iron Man, j'ai oublié son nom évidemment. Robert Downey Jr. Merci beaucoup. Le premier méchant sert à rien. Et en fait, dans le deuxième film, c'est à ce moment-là qu'on voit enfin le professeur Moriarty, qui est évidemment le méchant de base, Némésis, ouais. la némésis, voilà, de Sherlock Holmes. Après, ça reste un très bon film avec un Chris Pratt qui cartonne, Star-Lord, ouais, qui est vraiment excellent. Qui est extrêmement drôle, et puis évidemment, comment ne pas penser à la bande son qui est juste parfaitement choisie, C'est vrai. Les années 80, les mecs. Hein. Bah ouais, c'est C'est ça. ça. Tu peux Pas pas que tester. d'ailleurs. Un 70, petit pas peu que, les oui. années 70 70, que. Alors, spoiler, mais je trouve que finir sur Ain't No Mountain High Enough, c'est juste magique, quoi. C'est ouais. finir sur du Marvin Gaye sur un film comme ça. Je trouve ça génial. D'ailleurs, moi j'ai récupéré une playlist sur Spotify, je la mettrai dans le post du podcast qui est récupéré, qui retrouve dont on retrouve en fait toutes les chansons évidemment, mais aussi toutes les chansons qui ressemblent, qui auraient très bien pu s'intégrer à la BO du film sans problème, et franchement ça passe très bien. Et on se rend compte, bah, après c'est on n'écoute pas du tout la même chose évidemment aujourd'hui, mais il y a vraiment on remarque aussi qu'à l'époque, pardon, il y avait un vrai souci au niveau du un vrai souci un intérêt du coup à une vraie belle orchestration, une vraie belle musique de fond qui accompagnait bah, notamment tu parles du Marvin Gaye qui est juste magnifique à l'écoute. Et d'autant plus dans une salle 5.1 ou 7.1 qui met bien ça en avant, quoi. Voilà, après ça reste un bon film. J'ai hâte de voir du coup le moment, parce que c'est logiquement prévu qu'il devrait y avoir en fait une jonction entre les Avengers et les Gardiens de la Galaxie. Donc J'espère bien, oui. j'ai hâte. Ça devrait se faire alors parce qu'il y a le prochain Avenger qui devrait débouler d'ici peu, et L'année Age prochaine, of c'est quoi? Ultron, et ça devrait se faire en fait entre le Gardiens de la Galaxie 2 et Avengers 3 en toute logique. Donc voilà, en tout cas un très bon Marvel, plutôt Alors, bien. et qui change en fait? Ouais. Et qui change en Ouais. fait, pas Ouais, des ouais. derniers, parce que les derniers partent dans le sombre, en fait, mine de rien. Captain America 2, c'est. Enfin voilà. C'est évident, quoi. Il y a les choses qui dégénèrent, on va dire. Et celui-là est beaucoup plus enlevé, on va dire, beaucoup plus Ouais. rigolo. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du Ouais, bien. puis ils ont pris le risque aussi de mettre en avant des personnages qu'on connaissait pas du tout, quoi. Oui, Une licence qu'on c'est pour connaissait ça. beaucoup moins que celles qui ont été présentées jusqu'ici. C'est vrai. Voilà. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport au Gardien de la Galaxie. Toon, alors on va passer au deuxième film qu'on a pu voir cet été au cinéma. Toon, tu vas nous parler du film réalisé par Zach Braff et dans lequel il joue également Le rôle de ma vie. Tout à fait, Le rôle de ma vie, qui est donc le deuxième film de Zach Braff qu'on connaît principalement pour son rôle de JD dans Scrubs, et qui avait déjà réalisé en 2004, si je dis pas de bêtises, Garden State. Oui, c'est ça, 2004, parce qu'il y a 10 ans. Et donc ce film, déjà, a pour particularité d'avoir été financé via Kickstarter, en partie financé. Voilà, et ça raconte l'histoire de Aidan, donc joué par Zach Braff, qui est avec sa famille, donc sa femme et ses deux enfants, vivent assez modestement, puisque lui est un acteur, aimerait devenir acteur, et pour l'instant il est plus figurant qu'autre chose. Et sa femme bosse dans une boîte. Fait de la compta ou des choses un peu dans ce genre, mais voilà, elle vit pour toute la famille, en fait. Elle travaille pour toute la famille, donc ils vivent très modestement, et il y a juste leur père, enfin le père d'Aidan, qui est un fervent juif pratiquant, qui paye une école privée aux deux enfants d'Aidan, une école juive privée. Et en fait, le début du film commence là-dessus, où le père annonce à son fils que bah il a un cancer, il a eu un cancer, et que finalement c'est pas tout à fait guéri, et que pour payer un nouveau traitement, il doit retirer les enfants du protagoniste de l'école. Et à ce moment-là, celui-ci décide de faire les cours lui-même à ses enfants, parce qu'il a un problème avec l'école publique, il s'est fait tabasser étant jeune, etc. Et donc il décide de leur apprendre, de leur faire les cours lui-même. Et ça tourne petit à petit en comment dire, en leçon de vie, et il se rend compte que bah, il est pas très fort en maths, donc il peut pas leur apprendre les maths, donc il va plus leur apprendre lui sa façon de voir la vie, sa philosophie, etc. Et en même temps, il a de l'autre côté, son père qui a ce cancer, et il a toujours eu une relation très compliquée avec son père et son frère notamment. Et du coup, tout se mélange, tout devient réflexion sur les relations avec sa femme, son père, ses enfants, etc. Et voilà, c'est un film très, très Zach Braff, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bons sentiments. Pour la comparaison, parce que on retrouve énormément de thèmes communs à Garden State, je le trouve un petit peu en dessous de Garden State, qui était vraiment un film magique. Là, enfin, il aborde pas mal de sujets, mais malheureusement, il va pas assez en profondeur. Il fait parfois que les effleurer, notamment par rapport à la religion, je trouve, lui étant athée, totalement athée, alors que son père est particulièrement pratiquant, ce sujet est, je trouve, un petit peu trop effleuré, comme d'autres en fait, mais il y a des scènes malgré tout. Les acteurs sont géniaux. Sa femme est jouée par Kate Hudson, qui est magnifique dedans. Et y a des scènes qui sont vraiment superbement écrites, et qui remontent totalement le niveau de ce film. Et voilà. Et après, au niveau de la réalisation, on retrouve un truc que Zach Braff aime beaucoup faire, c'est des plans larges avec des images très marquantes, avec une superbe photographie. Comme par exemple dans la bande-annonce, on l'a vu énormément, cette image où il est avec ses gamins dans un magasin de perruques. Et c'est des images comme ça très marquantes avec des plans larges. Pareil quand il attend dans une salle de casting, et que tous les acteurs dans la salle de casting sont noirs et il est le seul blanc au milieu de cette rangée d'acteurs. Et voilà, c'est des images très marquantes, et qui sont en plus très belles, esthétiquement très belles. Et c'est pas mal de petits éléments comme ça qui remontent le niveau global du film et qui en font un film vraiment très sympathique à voir. C'est très feel good movie. En plus, voilà, Zach Braff, il produit lui-même l'OST du film, et elle est, ouais, c'est très très feel good. Et après un film comme ça, vraiment on se sent plutôt bien, et on a envie de profiter du soleil qui nous attend à la sortie de la séance. Tu as bien donné envie, on va mettre les mots dans le bon ordre, envie d'aller voir le film. En même temps, je suis pas non plus très objectif parce que j'apprécie beaucoup l'acteur, notamment ce qu'il faisait dans Scrubs, la Ça reste série. voilà, ça reste un univers assez proche dans l'humour. On retrouve des acteurs d'ailleurs, Donald Faison notamment, qui est le meilleur ami Turc. de Turk, voilà, le meilleur ami de Zach Braff dans Scrubs et aussi dans la vie, et qu'on retrouve dans une scène plutôt amusante dans le film. Il y a plein de petits moments assez marquants et assez cool à vivre en fait. Et bah très bien, en plus c'est sorti le même jour, hasard du calendrier, le même jour que les Gardiens de la Galaxie. Excuse-moi, Oui? Tonton, tu Ouais. dis qu'il a produit lui-même la BO, l'OST. Ouais. Genre, il compose le mec ou... Non, non, il est Non. juste produit dans le sens où, Il a où choisi. il, cho c'est, où, il choisit les morceaux, c'est lui qui édite la BO. Alors je sais plus exactement à quelle hauteur il est impliqué, mais il participe au financement de certains titres, certaines compositions, etc. Alors je sais plus exactement à quel titre il est producteur, mais je sais par exemple que pour Garden State, il avait fait la même chose et il avait reçu une récompense en tant que producteur pour cette OST. Mais ça reste des groupes. Par exemple, il a un titre de Coldplay. Il a des compositions de groupes reconnus. D'accord, ouais, c'est très bien. Bien, je trouve que choisir lui-même ses musiques, quoi, quelque part. Non, Ça donne non, toujours des trucs et... intéressants. Ouais, mais je pense pas qu'il ait composé une seule musique. Non. Bah, très bien. On a fini avec le volet cinéma de cette émission de rentrée. Alors, je vais vite vous parler parce que d'un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu cet été, mais qui est sorti en 80, donc nous n'étions même pas nés tous les trois. Ça s'appelle L'Hôtel New Hampshire de John Irving. John Irving, pardon, d'ailleurs un auteur que j'apprécie énormément. L'histoire, c'est, on va suivre une famille, qui va, dont on va les suivre d'ailleurs tout au long, sur une grande partie de leur vie. Et en fait, à l'origine, en fait, c'est une famille dont le père et la mère se sont retrouvés un peu par des circonstances, par hasard, on va dire même, parce que c'était lors de leur premier emploi, où ils avaient un peu pas vu grand-chose, ils étaient chacun dans un établissement pour garçons et pour filles. Du coup, ça a été un peu cette première rencontre qui les a marqués. Donc, on les suit vraiment depuis tout petit jusqu'à bah, qu'ils deviennent parents d'une famille. Alors, d'un grand frère et d'une grande sœur qui n'arrêtent pas de se chamailler. D'ailleurs, le narrateur, en fait, c'est le troisième enfant, c'est le deuxième fils. Et ils seront au total 5 dans la fratrie. Et on voit les sur en fait à l'origine en fait le père de famille est prof et la mère se cantonne au rôle de mère au foyer et en fait ils décident pour un peu égayer leur morne existence d'ouvrir un hôtel donc dans l'état du New Hampshire qui est pas non plus l'état le plus glamour des États-Unis et donc en fait ils reprennent un vieil institut qui était totalement en désuétude hein, et pour en faire un hôtel dans tout près en fait de leur lieu d'habitation originel pardon et juste parce que voilà ils se sont dit autant faire quelque chose qui nous plaît de découvrir quelque chose d'autre que ce que l'on vit actuellement et en fait on va les suivre en fait à l'origine dans cet hôtel-là, et ils vont aussi beaucoup voyager, puisqu'en fait ils vont se retrouver aussi à gérer un autre hôtel après avoir laissé celui-là de côté, du côté de l'Autriche. Alors évidemment, rien à voir, un nouveau nouvel environnement, nouveau pays, nouvelle langue, nouveau continent même. Et c'est vraiment, alors c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que le style de l'auteur est vraiment excellent. Il doit vous parler. Il a une façon de mettre en avant des détails qui pourraient paraître insignifiants, mais qui, à travers son trait, à travers ce qu'il dit, paraissent primordiaux. Il y a aussi une histoire aussi avec un ours qui est très très drôle, puisqu'ils vont se retrouver en fait au tout début du livre à s'occuper d'un ours et il y aura tout le temps au fur et à mesure qu'ils vont avancer dans l'histoire un ours qui va les accompagner. Donc c'est assez marrant. Alors il y a des choses graves, des choses beaucoup plus légères, et c'est assez marrant de la façon dont il arrive à mélanger les deux. Ce qu'il advient après de la famille, il y aura des destins assez tragiques et d'autres beaucoup plus drôles, beaucoup plus optimistes. Et vraiment, ça, alors c'est un livre, hein, il fait quasiment 600 pages, mais franchement, une fois qu'on est rentré dedans, on le lit vraiment avec plaisir. Et ça se lit jusqu'à la fin sans aucune difficulté, parce que on accroche forcément. Bah, moi, en tout cas, j'ai accroché. J'espère que ceux qui connaissent et qui ont déjà eu l'occasion de lire du John Irving ont accroché de la même façon. Mais franchement, pour le coup, c'est une belle surprise. Et j'avais déjà eu l'occasion de lire d'autres, notamment l'œuvre de Dieu, la part du diable, qui racontait l'histoire d'un enfant qui vivait dans un orphelinat. Et en fait, il s'est avéré qu'il a connu beaucoup de familles, mais les circonstances ont fait qu'il revenait à chaque fois vers cet orphelinat-là. Et c'est pareil, c'est toujours des histoires. On se demande où l'auteur va chercher cette originalité dans les voyages, dans les destins des différents personnages. Et c'est, pour moi, c'est un des excellents auteurs qu'on peut encore trouver aujourd'hui, notamment dans la littérature américaine, qui est vraiment très drôle parce qu'en plus il fait énormément de recherches par rapport à par rapport à ce qu'il écrit, hein, notamment par rapport à l'autrice, par rapport à Freud, même si voilà, il ne ressort pas non plus tous les écrits du psychanalyste, mais pour le coup, c'est excellent. Alors, il y a des moments où c'est un peu plus. Le rythme baisse un peu, mais c'est plus pour replacer l'action et après repartir sur une nouvelle dynamique. Ça se lit vraiment très bien, même pour quelqu'un qui n'apprécie pas forcément de lire. Et qui ne lit pas souvent, c'est vraiment une excellente introduction à ce que peut faire l'auteur. Pour finir aussi, un des premiers films dans lequel a joué Robin Williams, qui est malheureusement disparu cet été, c'est Le Monde selon Garp, et qui est, je crois, le deuxième livre même de John Irving, et qui du coup est complètement barré comme l'est, j'ai l'impression, toute la toute l'œuvre de l'auteur tout au long de sa vie, parce qu'il sort encore aujourd'hui des livres et c'est toujours aussi intéressant à lire. Ça a l'air fort cool en tout cas. Ben oui, toujours. Avec l'histoire de l'ours. Mais c'est en fait ce qu'il faut expliquer, c'est que donc les parents se sont rencontrés dans une espèce de camp de vacances, une espèce de club med de l'époque. Et qu'en fait, l'ours, ils vont récupérer un ours, en fait, parce qu'il y a un espèce d'Autrichien un peu fou qui est là-bas, en fait, sur place pour gagner de l'argent, en fait, en faisant le montreur d'ours, sauf qu'il fait, en fait, une espèce de spectacle tragicomique avec l'ours, qui a une espèce, qui a des mauvaises habitudes. C'est une des habitudes assez étranges, puisqu'il vit dans un sidecar, et que si il est là. Alors, c'est notamment partie du principe où l'auteur prend des détails et en fait des choses d'importance, mais c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que si on part, si l'ours voit que la moto dans laquelle il vit part sans lui, en fait, il va courir comme un dératé pour retrouver son lieu de vie. Donc, ça va donner lieu à des scènes assez cocasses, notamment un Allemand, pardon, qui va se retrouver, je dirais pas défiguré, mais en tout cas, dans un sale état après avoir voulu shipper la moto en question. Et donc c'est assez drôle. Alors il y a des moments où c'est assez dur, hein. Il y a des choses assez dures, et on passe vite fait du coq à l'âne, mais c'est pas toujours évident. Mais pour le coup, ça reste un très très joli livre à conseiller pour l'été prochain, ou dès que vous aurez un moment pour lire. Alors, on va passer maintenant à des bouquins aussi, des livres, mais cette fois-ci avec des images et des textes dedans, parce qu'on va parler de manga et de bande dessinée. Oui. Notamment Shikao, parce que Shikao n'a pas l'habitude d'être parmi nous pour le bimestriel manga. Mais pour le coup, ça ne l'empêche pas de lire des mangas. Il va notamment nous parler de Assassination Classroom. Alors, Oui. tu arrives à quel tome? Tome français, cinquième tome en l'occurrence. D'accord. Eh ben vas-y, je te laisse nous parler de ce manga édité par Kana. D'accord, oui, de toute façon, ça va être une sélection 100% Kana, je suis désolé. Alors, je voulais savoir, Assassination Classroom, est-ce que vous en avez déjà parlé auparavant? On a dû faire Kurita allusion, je crois. en avait parlé Ouais. , quand c'était sorti. D'accord, Il avait détesté, hein, je crois. Hein. Non, je plaisante. C'est pas crédible une demi-seconde, je suis désolé. Bref, non, pour résumer très rapidement l'intrigue de Assassination Classroom, c'est une espèce de, disons, extraterrestre à tentacules qui arrive, qui détruit 60% de la Lune et qui dit qu'il veut faire pareil avec la Terre. Sauf, il laisse, on va dire, un an de répit si on lui laisse comment dire, être prof d'une classe de soi-disant crancre au début, mais on se rendra vite compte que non. Et donc, bref, il laisse un an de répit et les élèves auront le droit d'essayer de le tuer. Voilà. C'est un peu un Battle Royale inversé, quoi. C'est un peu un Battle Royale inversé, oui, ça c'est tous contre un, en fait. Et alors, dit comme ça a l'air très glauque finalement, mais l'auteur se débrouille bien pour, au contraire, désamorcer tout ça. Puisque le professeur en lui-même est très marrant, c'est un très bon professeur. Et comment dire, les armes qui sont utilisées sont absolument inoffensives pour les humains. Bref, du coup, y a rien de vraiment dangereux dans l'immédiat. C'est rigolo, c'est basé sur l'humour. Et voilà. Donc le dernier tome sorti, c'est le 5 chez nous. Faut savoir que comme beaucoup des séries dont j'ai parlé, je ne lis pas les scans. parce que je préfère avoir une grosse dose de manga tous les 2 mois ou plus pour certains, plutôt que de lire un petit chapitre de temps en temps. Bref. Je comprends. Voilà, ça, chacun son rythme, hein, mais voilà, moi c'est comme ça. Et le cinquième tome, malheureusement, confirme un trait que j'aime pas beaucoup dans ce manga, c'est que ça introduit un nouveau personnage, il fait son show pendant, disons, 2-3 chapitres. Et puis voilà, merci, au revoir. On le reverra de temps en temps et il perdra gravement de l'importance. Je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, ça va quand même assez vite, ça a un bon rythme, c'est rigolo, c'est... Est-ce que ça s'essouffle pas là, donc t'en es au cinquième tome, est-ce que c'est pas un peu redondant dans la façon de vouloir le tuer, etc., les intrigues qu'il peut y avoir, qui peuvent se dérouler autour? Alors justement, c'est ça qui est bien, c'est que, ok, le scénario de base, c'est de réussir à tuer le prof, mais c'est pas ça qui sera le plus important finalement. Ce sera plutôt, comment dire, le développement, la maturité à venir des élèves qui ont chacun leur petits problèmes. Finalement, ça se base beaucoup plus sur justement, voilà, les problèmes de ces élèves et même un petit peu le système éducatif. Puisqu'il faut savoir qu'en fait, cette classe d'élèves-là, c'est une classe de refoulés, c'est eux qu'on martyrise exprès pour pouvoir glorifier les autres élèves à côté. C'est eux qu'on montre en exemple pour dire, voyez, si vous bossez pas bien, vous allez finir comme eux, ils sont dans une classe pourrie, leur salle de classe, c'est une cabane pourrie à 2 km de là. Enfin bon, bref, les mecs sont vraiment ostracisés. Et voilà, finalement, ça se base plutôt là-dessus. Après, c'est vrai qu'on essaie toujours de tuer le prof, mais c'est franchement plus un prétexte. Voilà, c'est plus un prétexte, okay. Exactement. Et ce qu'il y a de bien dans ce manga-là, c'est que donc l'auteur connaît déjà la fin de son manga. Il sait exactement où est-ce qu'il veut aller. Et ça se sent, j'ai envie de dire. Autant, c'est vrai qu'on passe par les étapes classiques d'une scolarité, c'est-à-dire le voyage scolaire, l'été, tout ça, tout ça. Autant on sent quand même qu'il sait où est-ce qu'il veut aller et ça fait plaisir. Donc j'attends quand même le sixième tome pour essayer de redresser la barre un petit peu, mais globalement ça suit sans déplaisir, c'est très simple à suivre, c'est bien, c'est bon, moi j'aime bien. Pouce vert. J'avais testé rapidement, alors je me souviens, je crois que c'était sorti l'année dernière au moment de la Japan Expo, ouais, et ils avaient distribué en gros le premier chapitre sous forme de petits livrets. Petits, pour le coup, en fait, j'étais resté là-dessus, donc j'ai eu une idée assez arrêtée du manga, et pour le coup, alors forcément c'est un premier chapitre, donc il y a aussi beaucoup d'informations qui arrivent pour situer l'action, où ça se passe, comment ça se passe, avec quel personnage, mais du coup, moi, ça m'avait un peu arrêté, parce que j'avais l'impression de retrouver tous les poncifs du shonen, c'est-à-dire une histoire qui sort, pas forcément un poncif, mais c'est-à-dire que t'as vraiment des éléments qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres, mais qui étaient balancés un peu comme ça, sans réelle explication au début, et j'avais un peu, je me suis dit, mais en fait, les shonen, c'est plus de mon âge, quoi. Je pense que en tout cas, celui-ci ne me correspondait pas du tout parce qu'il me parlait pas du tout, notamment au niveau de l'action qui était proposée. Donc je sais pas si ça s'améliore par la suite ou si on reste vraiment sur cette idée de donner des éléments qui sont pas forcément très très originaux et qui donnent pas envie d'avancer plus dans l'histoire. Hein. C'est marrant parce que j'ai trouvé le principe de base, donc tuer un prof, assez, assez original, pour le coup, mais bon, bref. Bravo, tu me fais peur, là. Hein. Oui, j'aime bien. non, mais j'ai trouvé ça plutôt original à la base, on va dire. Mais après, c'est vrai que les aimants assez sérieux, comme je disais, là, cette histoire de classe ostracisée et tout ça, sont assez diffus, finalement. Mais il y a des bons personnages, quand on, même. On le, ressent, hein. On le ressent dès le premier tome, en fait, quand même. Enfin, je pense que pour bien se faire une idée, faut quand même lire le premier tome en entier. Oui. Bah, je crois. Oui. C'est là où on voit vraiment tous les éléments se mettre en place. Parce que c'est vrai que c'est un peu le problème aussi des séries de, enfin des shonen issus des magazines de prépublication comme le Jump dans ce cas-là, c'est que de plus en plus c'est des séries où où on les laisse pas, on leur laisse pas le temps de s'installer et il faut des résultats tout de suite. Et du coup, dès le début, faut qu'il y ait, dès le premier chapitre qui fait en général une cinquantaine, soixantaine de pages, Oui, c'est vrai. Ça. il faut que tous les éléments soient en place. Enfin, déjà les plus importants. Et du coup, ça fait ce problème que tu disais, Romain, c'est-à-dire que dès le début, on a beaucoup de choses, Ça faut fait qu'il y ait du mouvement, très fourre-tout, etc. quoi. Et voilà. Mais je pense que ça se lisse en fait sur la durée du premier tome, et que dès le deuxième, troisième chapitre, on commence à aller plus dans ce que tu disais, Shkao, c'est-à-dire Dans le quatrième, je dirais même. ce comment? Même dans le quatrième chapitre, c'est là que vraiment tu as Ouais. vraiment tous les éléments, enfin, au moins une idée des éléments qui vont être utilisés, quoi. Tout à fait. Donc oui, je pense que pour se faire une bonne idée, faut vraiment lire le premier tome complètement. Et je dirais en fait que c'est pas pour rien que ça se fait beaucoup ces derniers temps. En fait, ce sont les deux premiers volumes qui sont lancés en même temps pour les mangas. Parce Ouais. que justement, enfin moi personnellement, il n'y a aucun manga, à part One Piece, qui m'a vraiment convaincu dès le premier chapitre. Parce que vraiment, il faut laisser le temps à l'histoire de s'installer. Et One Piece est assez, comment dire, direct, point de vue son histoire. Bon après, je dis pas, c'est très bien, il y a du développement et tout ça, mais Dès le premier chapitre, il dit je veux voilà. être le seigneur des pirates, quoi. Voilà, je vais être le Seigneur du Pirate, je veux trouver le One Piece, je pars à l'aventure, et voilà. Et c'est un peu ce qui va être le fil conducteur de tout ça. Tandis que Assassination Classroom, c'est quand même plus, enfin, on dirait moins direct que ça, quand même. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, ça se fait très souvent, ils sortent deux tomes pour essayer de convaincre, là où un tome ne suffirait pas forcément. Mais bon, voilà, voilà, vraiment, lire plutôt le premier tome, d'une façon ou d'une autre, pour vraiment se faire une idée du sujet. Très bien. Et puis c'est vrai que souvent maintenant, quand tu parles de prendre les deux premiers tomes, souvent la stratégie aussi pour mettre en avant une série, c'est de la part des éditeurs de sortir ces deux premiers tomes simultanément. Ça, c'est de plus en plus le cas. En tout cas, ça arrive très très très très régulièrement. Et donc ça permet aussi de pas trop patienter pour avoir la suite et d'avoir déjà une histoire qui est pas mal avancée pour le coup. C'est exactement ça, je pense. Je pense que c'est l'idée. Et ben tu vas garder la parole parce que tu veux nous parler de Naruto, toujours chez Kana, parce que de toute façon comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quasiment des mangas que de chez Kana que Oh, tu as évoqué je suis ici. Kana. Ouais, je suis désolé. Il n'y a Voilà, pas de souci, hein. j'ai une grosse préférence shonen, même si je lis d'autres choses, hein, c'est pas un souci. Mais voilà. Alors qu'est-ce que Chaque. tu en as pensé justement de ce tome 64 qui est en pleine baston Ah bah là oui voilà, baston, baston, baston, baston, révélation mais pas trop importante, baston, baston, c'est exactement ça. Alors faut savoir que j'ai lu le tome 64, 64 comme j'aime bien ce chiffre, il y a, ouais n'est-ce pas, on est en plein sexe, on se comprend. Donc j'ai eu ce tome 64 il y a 2 heures tout pile, donc c'est encore, c'est tout frais, quoi. c'est tout frais, c'est tout chaud, même selon ce qu'on veut, et donc ben, ça part toujours plus dans le n'importe quoi de la surpuissance. Alors, ce qui me gêne beaucoup, c'est que il me semble qu'au Japon même, le manga n'est toujours pas fini. Non, mais là on est clairement sur la fin. D'ici la fin de l'année, je pense que c'est fini. Au mois de C'est pas plus décembre, mal. certainement, c'est fini. Franchement, c'est pas plus mal parce que moi je vois mal le truc continuer plus de 3 tomes et il semblerait que si pourtant ça dure plus de 3 tomes. C'est très dur. C'est très très dur. Déjà, j'avais trouvé le tome 63 sorti début juillet qui faisait pas avancer le schmilblick. Celui-là ne fait pas avancer le schmilblick non plus, mais au moins il a l'avantage d'être très très très épique. Voilà, et puis il y a du drame, il y a énormément d'action. Mais voilà, Naruto, si vous aimiez pas à l'époque, ça va pas changer maintenant. Et puis surtout, ce qui m'énerve, c'est cette. Comment dire? Que ça aille de plus en plus puissant, d'accord, mais que ça se mette à dire carrément, bon ben, on va dire que désormais, les personnages, ils ont 10 fois plus de chakras, et je parle pas que pour Naruto. Hein. C'est-à-dire que, si on se rappelle, au début, Kakashi, il faisait deux. En français, éclair de profondeur. Ouais, deux Ouais, Chidori. Chidori. Voilà, il était à plat, maintenant il en fait 50 et ça va à peu près encore. Tout ça en 2 ans. Hein. Bref, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Et bon, je continue à aimer parce que le découpage est très très bien fait. Kishimoto est super belle. Il est très très fort. Ouais. Ouais, le dessin est quand même top. Hein. En fait, le dessin n'est pas si bon que ça. C'est pas non plus du. Comment il s'appelle ? Celui qui fait One Punch Man et Aishin 21. Ah, Ryuichiro Inagaki. Ça c'est le scénariste, pardon. Non. Murata. Murata. Yuzuke voilà. Murata. Voilà, qui est juste Kurita, il va lui tomber dessus d'avoir. c'est clair. Bon, ben, je t'aimais bien, hein, Tonton, dommage. Bref, c'est pas non plus du niveau de Murata ou d'Obata. Et en même temps, il y en a très peu qui sont à leur niveau 2, là, que tu viens de citer. Voilà. C'est difficile de trouver mieux. Ouais, mais par contre, point de vue, comment dire, mise en scène, point de vue dynamisme, c'est très très fort, toujours Naruto. Ça se voit que Kishimoto est quand même fan de cinéma, parce qu'il y a... Dans le découpage, je trouve que ça fait très cinéma, personnellement. Je suis assez d'accord. C'est moins marqué maintenant, où j'ai l'impression qu'il fait plus ça automatiquement, on va dire. Mais notamment dans la fin de... Enfin, juste avant l'arc, enfin, la période Shippuden, on va dire. C'était très très marqué, c'était vraiment dans le mouvement, c'était très découpé, c'était... Enfin, moi, ça m'a beaucoup influencé personnellement. Je trouve ça très bien. Point de vue découpage. Après, point de vue histoire, effectivement, on commence à rentrer dans une routine. Enfin, on continue dans la routine. Ouais, on continue dans la routine. Et je te rejoins sur à peu près tous les points. Et je rajouterais que je trouve ça extrêmement dommage parce que l'univers qu'il a su développer, il est extrêmement riche. Il apporte une partie, je trouve, qu'on a relativement peu dans les shonen classiques, on va dire, dans les neketsu de ce genre. C'est toute la partie géopolitique qui est extrêmement développée, ouais, et que je trouve vraiment très intéressante, surtout ces derniers temps, exactement, que je trouve vraiment très intéressante globalement, tout l'univers qu'il a su développer, etc. Mais c'est vrai que le récit en lui-même, il prend vraiment beaucoup trop de temps, c'est extrêmement long pour avoir de nouvelles informations. Ça met du temps et souvent, là dernièrement, les nouvelles révélations, etc., ça me touche pas particulièrement et on tombe dans cette débauche de puissance et de toujours plus, comme tu disais tout à l'heure, où on multiplie le chakra par 10 parce que il faut. Parce que c'était pas prévu à la base de mettre un plancher à ce niveau-là, quoi. Voilà, c'est dommage parce que tout le reste est vraiment très intéressant. Juste pour dire sur mon résumé, ça tient en trois mots, hein, tome 64 et plus. Voilà. C'est ça, exactement. Toujours plus. Toujours plus, voilà. C'est vrai. Donc, fin de ce que j'ai à dire pour ce Naruto-là, avec un choix de chiffres quand même dans le tome. je crois que tu te faisais référence au début au département, je comprenais pas. Non, rien à voir, non. Absolument rien à voir. Tu parlais d'Obata tout à l'heure, et ben, on va en reparler d'ailleurs parce qu'on l'a lu tous les trois, hein, on se permet des petites infidélités au bimestriel, mais bon, pour le coup, c'est une série qui est quand même excellente et dont j'avouerais que j'aimerais bien avoir ton point de vue, Shikao, parce que j'ai tellement entendu celui d'Antoine et de Kurita, sans nom, mais ça permet aussi d'avoir un autre avis, voir si. Un point de vue dessinateur aussi. Oui, surtout, exactement. Donc... dessinateur, on va dire, oui. Bon. je ferai remarquer quand même que dans les quatre shonen qu'il va y avoir là, c'est quand même quatre très différents, parce que Naruto, c'est de la baston. Assassination Classroom, c'est plus différent. Et Bakuman, c'est quasiment du documentaire, en fait. Documentaire très dramatisé. Documentaire Neketsu, quoi. J'en avais un peu parlé... j'en ai même pas mal parlé, en fait, dans les précédents bimestriels. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai côté baston dans les dialogues. Un énorme côté neketsu dans la construction des dialogues qui en fait un vrai shonen pour garçons comme on dit, quoi. Ah oui, non, mais clairement les affrontements, on va dire, entre mangaka sont très tendus. Là, c'est pas l'affrontement, ils vont se mettre une pêche et voilà, non, c'est qui va avoir la meilleure série, qui va avoir le meilleur score au sondage, on va dire, parce que oui, ils font encore des sondages et par voie postale, s'il vous plaît. oui, non, mais en même temps, voilà, parce que par internet, on va dire que c'est trop facile de tricher. Par le postal, il faut quand même se donner la peine. Bon, bref, Quoi qu'il en soit, Ça fait plaisir à la poste. quoi qu'il en soit, Bakuman, si je dois reprendre depuis le début, j'ai trouvé ça instructif déjà. Bon, ça parle surtout de, effectivement, de la Shueisha et du Weekly Shonen Jump, mais je pense que ça peut s'étendre au moins aux maisons d'édition qui font du shonen. Les Shonen Sunday, Voilà, Shonen tous les Sunday. magazines de pré-pub. Voilà, à mon avis, tout le processus est relativement identique, en tout cas. Et c'est bien que ce soit un mec de la Shueisha qui parle de la Shueisha. Et il y a des fois où il n'est pas non plus très très tendre, on va dire, avec ses supérieurs. C'est Tout sympa. à fait. J'ai trouvé ça sympa. Et bon, de toute façon, voilà, Obata, c'est un daron, donc on va pas lui dire grand-chose, quoi. Je veux dire, si, même Akira Toriyama, si on prend vraiment le grand de chez les grands. Il s'est déjà foutu de la gueule de son propre éditeur et on lui dit rien. Et finalement, bref, c'est très Oui, bien. C'est très bien. on peut pas lui dire grand-chose. Voilà, ouais. De toute façon, c'est vraiment très bien. Les personnages sont très sympas, même si caricaturaux. Enfin, comment dire, leurs objectifs sont relativement atteignables, mais tous leurs traits de caractère sont un petit peu exagérés. C'est ça qui est bien, c'est ça que je trouve énorme, je te coupe là-dessus, c'est qu'il arrive, t'as quand même une galerie de personnages assez importante en termes de nombre, il arrive quand même à faire en sorte qu'on s'intéresse à tous, à s'intéresse à, bah en tout cas qu'on a tous, voilà, ils ont quand même un tant soit peu de profondeur et de caractères différents qui font qu'ils sont intéressants dans la globalité du manga. Oui, complètement. Complètement. Non, c'était certainement pas une critique. Ah non, non, J'adore les non. personnages. J'adore les Non mais personnages. du coup c'est un point je pense qui est important de souligner parce que ça aurait pu devenir rapidement très confus alors entre les personnages qui font partie de la maison d'édition, les concurrents qui font des mangas, qui font des nouvelles séries, leurs assistants, voilà, il y a quand même énormément de personnages qui malgré tout restent intéressants à suivre. Hein. Effectivement. Alors mon préféré, malheureusement, j'ai complètement oublié son nom, c'est le flemmard là. Ah oui. Voilà. Hiramaru qui est le meilleur personnage du manga, mais de très loin, quoi. La fin du tome 18 est juste sensationnelle à ce niveau-là, quoi. Elle est dinguissime, effectivement. C'est fabuleux. J'adore ce personnage. Il est dingue, il est complètement fou. Sa tenue Bruce Lee, tu vas ravir. Exact. Bref, voilà, donc Bakuman c'est très bien. Il y a quand même des moments où ça passe le seuil de crédibilité, j'ai envie de dire. J'en ai déjà parlé avec Romain, comme ça, au détour d'un stand de Japan Expo où je vais descendre de 20 km. Par exemple, voilà, l'arc dont vous avez déjà parlé, il me semble, avec le rival, lui aussi, j'ai oublié complètement son nom. Enfin, Oui, je le pense mec que qui va être. on a tous C'est oublié son nom. Nanamine Toru. Oui, Nanamine, Ouais, c'est exactement. ça. Voilà, donc à un moment, quand il commence carrément à fonder une boîte pour faire le meilleur manga, là j'ai trouvé que c'était trop, et en plus c'était une Ouais. redite. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va vite. Il y a de quoi lire dans un tome, hein, c'est pas du Bleach, hein, pas du tout. Assez, je pense qu'il faut au moins une heure facile, une heure et Ah demie bah, pour plus être d'une heure. Enfin, moi perso, je mets au moins 1 heure et demie. assez Ouais. clair, hein. Mais c'est tellement de textes. Et en même temps, j'ai du mal à le lâcher. Ah, carrément, c'est-à-dire c'est instructif déjà pour commencer. Et les idées vont quand même vite. On suit tout le processus de réflexion des personnages pour améliorer un scénario ou un point de narration, on va dire. Et ça, c'est intéressant. Les échanges Ouais. se font vite, en fait. Malgré toutes ces bulles sur la page, ça, C'est c'est entraînant. fluide. C'est fluide, c'est entraînant. De toute façon, voilà, enfin, je veux dire, c'est fait par des darons qui savent de quoi ils parlent aussi bien en Un petit scénario qu'en peu, dessin. ouais. Et justement, point de vue dessin, ben, ça arrache la gueule avec un tractopelle. C'est clair. Ça défonce sa race. Voilà, Obata est juste complètement trop fort, il est stratosphérique. Il nous regarde de haut avec Murata et il nous salue, je pense. Mais autant tu vois je le dis régulièrement quand je lis Bakuman, j'en profite parce que t'es là. Autant j'avais pas détesté, mais son trait dans Death Note était vraiment magnifique, était vraiment chirurgical, on va dire, dans le fait qu'il était vraiment très précis dans tout ce qu'il faisait. Mais voilà, ça... C'était beaucoup plus carré, beaucoup plus voilà, ça, il y avait moins de fantaisie. Le sujet était aussi à propos par rapport au dessin, Oui. donc là-dessus il n'y a pas de souci. Autant là, je trouve que dans le entre le SD, les voilà, il arrive à faire des Bah, bobines au... il a une expressivité dans son dessin qui est assez incroyable en fait. Exactement. Ah, Il se fait il plaisir. arrive à ouais, en plus je pense qu'il se fait plaisir. Comparé à Death Note où, comme tu dis, Romain, il était dans un cadre plus rigide. Là, il est vraiment, il se lâche, il se fait plus plaisir, il joue aussi avec les codes du genre et enfin, du manga en général, et que ce soit au niveau découpage, etc. Il se fait vraiment plaisir à jouer là-dessus. Et en plus, voilà, il a cette expressivité-là où il peut très facilement faire dire quelque chose à un visage, quoi. Et surtout, il arrive par rapport au manga, parce qu'il dessine aussi quelques planches de manga des différents personnages. Il arrive quand même à leur donner quasiment un style qui est assez différent du sien. Il y a certains Ouais, pour ça c'est lesquels ils sont fou. proches, mais d'autres, voilà, où il arrive à faire en sorte que son trait ne soit pas visible par rapport à son trait habituel. Hein. C'est complètement fou. Enfin, moi je trouve ça fou parce que de toute façon, bon, je suis encore à un niveau assez amateur, on va dire. Mais là, le mec, il change de style. Je veux dire, quand il fait le manga avec la loutre, ça a rien à voir avec Ouais. notre. Zombie Gun Reversi, Zombie Gun, ouais, Reversi, mais The tous. Crow, enfin, ouais, même Giri. Guiri, ouais. C'est vrai qu'il arrive, et je serais curieux. Alors, il me semble qu'il l'a sorti un one shot dans le Jump, Avec la loutre, qui ouais, justement. reprenait, oui, voilà, c'était ça. Et je serais curieux de voir, ne serait-ce qu'un chapitre de chaque série. Ah, grave, il y en a, j'ai tellement envie de les Voilà, voir. ouais. Rien C'est que le clair. Et scénario. puis en plus le pitch à chaque fois il donne envie quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je sais pas, engager des assistants en fait, un truc. Ouais, Mais il y en a certains, j'ai envie de les lire, mais avec la puissance de Son Goku, quoi. Bref, voilà. Et bah justement, puisque tu parles de ce chapitre hors série là, on va pouvoir faire une transition, puisque le tome 20, donc l'ultime tome, va sortir en novembre, ce qui va faire donc 5 mois d'écart, et il sera accompagné de deux tomes, comment dire, De data book. voilà, deux databooks exactement, et dedans devrait justement y avoir ce chapitre supplémentaire. D'accord. Et moi, Voilà. pour le coup, les data books m'intéressent beaucoup parce que du coup, compiler toutes les informations qu'il y a dans Bakuman. Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup à la base, mais la façon dont c'est fait me plaît beaucoup moins. C'est-à-dire. C'est-à-dire que le tome 19, il est sorti au mois de mai, je crois. Juillet. 19, Juillet? tout Oui, début c'est juillet. vrai, il est sorti début juillet. Et là, donc, c'est prévu pour novembre. Mi-novembre, il me semble. Mi-novembre. Le dernier tome. Le même jour sortiront les deux databooks. Et un kit d'apprenti mangaka en gros avec une plume dedans et un encrier et des trames. Et je trouve ça vraiment étrange de faire ça comme ça, notamment les databooks, puisque le premier databook sera pour le volume 1 à 10 et le deuxième pour le volume 11 à 20. Et voilà, ça m'aurait paru logique de sortir le premier volume aux alentours du tome 12, 12 ou 12, 13. voilà, dans ces eaux-là. Alors que Et là, on va se retrouver avec une pause de 5 mois, de 4-5 mois, 5 mois. avec d'un coup, on va se retrouver avec 4 nouveautés, sachant que les databooks sont quand même à 12,50 € je crois. C'est ça, exactement par... Donc voilà, si tu veux tout Bakuman d'un coup, t'en as pour je sais pas combien coûtera le kit de l'apprenti mangaka, mais rien que le volume plus les databooks, t'en as pour 32 € et quelques, je Donc pense. t'attends que quelqu'un mette la série sur le bon coin à moins cher et tu récupères comme ça. Ouais, mais je trouve ça, en plus je trouve ça étonnant parce que c'est une série qui a l'air de bien marcher. Et du coup, enfin, ça me serait paru plus logique que Kana étale un peu plus les sorties pour Ouais. faire durer le Rallonger la truc, sauce quoi. quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Surtout par rapport à l'écart, parce que là on parle de 5 mois, mais auparavant la parution se faisait tous les 2 mois. Ah oui, Oui, c'est ça. régulièrement. Il n'y avait pas de souci pour récupérer le prochain tome assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, notamment pour nous, pour avoir le dénouement, même si, à mon avis, moi je vois bien le dénouement du Bakuman 20 à la manière du Rendeverse 8, c'est-à-dire le truc complètement en mode survitaminé par rapport à ce que faisait la série, alors que c'était déjà énorme. De quoi tu Déjà, ouais, c'est. Donc, Quoi tu dis? comment? Tu dis, tu parlais de quelle série? Tu connais pas Rendeverse? Rendeverse. Non, je. Alors c'est une série, du coup, j'en profite, hein, de cet Aparté. espace libre pour parler, pour te dire d'absolument lire Rendeverse, qui fait partie des mangas fétiches, donc de nos mangas fétiches à nous deux. Puis en plus on avait fait un podcast spécial, c'est Yuko Yuko Osada, Osada. qui est un mangaka qui est pas très connu, qui a eu quasiment toutes ses œuvres éditées en France et qui n'a pas été qui à chaque fois été n'a pas eu Ouais, le succès escompté. Rendeverse a été édité chez Kiun et c'était des ventes assez, Mirifique. enfin vraiment, vraiment faibles. Ouais. Mais ça Ça n'empêche ne, pas ouais. l'éditeur de vouloir éditer. Du coup, au mois de septembre, va sortir son dernier manga, Kid I Luck. Et du coup, c'est plus pour le côté, en fait, je faisais le parallèle entre les deux, parce que Rendeverse, on va dire, pour vraiment résumer très rapidement, c'est une sorte de fou du volant, tout simplement. Mais dans un esprit complètement Ouais. débridé, à la moitié limite Far West, avec voilà, il y a plein de comment dire, plein de références, plein de choses. T'as du baby Bah, par exemple, tous les noms de tous les personnages sont des éléments d'un d'un revolver. sont voilà le nom anglais d'un élément du revolver. D'un revolver. Par exemple, Trigger, je sais plus les noms des autres personnages, Mais mais voilà, voilà, c'est et des noms. Il avait, c'est voilà, c'est extrêmement dynamique, et c'est pour ça aussi que je faisais ce parallèle avec Bakuman. Mais pour le coup, ouais, Rendeverse, et puis ce qui est bien, c'est que ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas eu de succès, mais ça n'empêche pas l'éditeur de vouloir éditer tout ce qu'il a fait, juste Par passion. par passion, exactement, par passion pour le Passion. passion. La passion. Par passion pour ce que fait l'auteur, parce que même ben moi je trouve qu'il est vraiment sous-estimé, notamment par rapport à ses ventes, alors qu'il Il y en a, genre, enfin, j'ai lu beaucoup de choses où les gens ont du mal avec son style graphique et trouvent c'est, enfin, voilà, il y a un vrai côté, comment dire, shonen à l'ancienne, comme dans les années 80-90. Et je pense que pas mal ont un peu de mal avec ça, en fait. C'est pas faux. C'est pas faux du tout, ouais. Vous savez, qu'est-ce qui est le plus fou avec Bakuman, là? C'est qu'on n'a toujours pas parlé du tome 19 à proprement parler. Oui. C'est vrai. Donc bref, comment dire, sans trop spoiler, on va dire que ça y est, le succès est là, le succès est vrai. La merde devient vraie, comme dirait l'autre. Et en fait, c'est à partir du succès que des problèmes vont se poser pour le but ultime de nos deux cocos. Voilà, là, ça devient carrément du people, on va dire. Et j'ai trouvé ce tome-là intéressant, justement, parce que on commençait à avoir un petit peu le bout de la vie de mangaka, et ça s'intéresse plutôt à, comment dire, la médiatisation, et surtout pour ce qui est des seiyuu, donc des doubleurs et des doubleuses, forcément. C'est un milieu qu'on n'a pas chez nous en France, en fait, Non. avec toutes C'est un les métier comptes. qui n'existe pas. Voilà, si, c'est un métier qui existe quand même, faut C'est un, pas. Faut... oui, mais qui n'est pas reconnu en tant que métier à part Non, et c'est très entière, ou dommage, et très c'est très très peu. dommage. C'est très très dommage, enfin, personnellement, c'est mon point de vue. Je Je suis trouve ça assez dommage. d'accord. Bref, et autant dire que les contraintes, on va dire, que subissent les seiyuu, donc les doubleurs et doubleuses au Japon, ça n'a rien à voir avec chez nous, forcément. Il y en a certaines, c'est également des idoles, comme d'autres chanteuses qui chantent mal, quoi. Oui, j'aime pas beaucoup les idoles. Et voilà, donc c'est intéressant de voir ce pan-là, on va dire, de la culture japonaise, culture un petit peu otaku. Voilà, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a beaucoup de personnages qui réagissent justement face à ce problème, et c'est ça aussi qui a rendu le tome très intéressant. Je peux pas trop dire non plus ce qui s'y passe, mais c'est cool. Ouais, et justement, j'ajoute juste un truc, c'est que c'est un sujet qui, pour une fois, fait quand même redondance, enfin, fait écho avec ce qu'on a aussi en France et enfin, en Occident, on va dire, qu'on peut retrouver dans d'autres domaines, comme là, on a eu récemment des exemples la presse jeux vidéo. Où il y a ces soupçons de corruption et Connivence. comment? De connivence. De connivence, pardon. Et c'est un sujet, en fait, c'est un des rares sujets depuis le début de Bakuman où on a une vraie correspondance avec l'Occident. Oui, vu comme ça, oui. Même si là-bas, on voit quand même qu'ils ont l'esprit assez, ben, notamment là. Après, oui, le niveau, enfin, ça se porte pas tout à fait au même niveau. Puisque là-bas, c'est aussi beaucoup des otaku qui s'approprient des personnes. C'est ça, C'est ça. et qui ont un peu le droit de vie et de mort, entre guillemets, sur le devenir de leur série favorite ou des personnes qui jouent, notamment qui font les voix, les seiyuu, par le biais voilà, des forums où chacun discute et chacun veut mettre son petit grain de sel dans ce qui serait mieux, de ce qui pourrait apporter une amélioration dans leur série du moment, dans la série qu'ils regardent en ce moment et qui sera très rapidement. Laissez de côté pour en mettre une autre à la place. Voilà. Voilà, d'autres choses à acheter sur Bakuman, messieurs? Déjà pas C'est mal, hein? génial. Oui, c'est génial. Je remarquerai toujours quand même que. Comment s'appelle-t-elle? Azuki, pardon, apparaît très très très peu dans le manga, quoi. Alors que Ça dépend des pourtant. périodes. Ça dépend des périodes, mais je me souviens d'un des. Je sais plus quel tome où elle était aussi en. Elle apparaissait aussi, je crois que c'était le tome 15 ou 16 où elle apparaissait aussi dans C'est le une case 18, je crois. sur la couverture, le 18 Ouais. peut-être, ouais. Et en fait, on la voyait quasiment pas dans le tome. Pas Ce du tout, il me qui semble. Même est. Ouais. pas. Genre, elle apparaît grâce à un SMS, en fait. C'est Un truc ça. comme ça. Son esprit est là, mais. Avec un petit lol. Là, ça s'accélère un peu plus on apprend un peu plus ce qu'elle a fait entre-temps, mais pour le coup. Ça reste assez vague et on aurait peut-être apprécié l'avoir plus souvent sur le manga. Enfin, après, c'est. C'est elle qui fait le cliffhanger, quand même, de ce tome-ci. Hein. Oui, absolument. On la remercie, d'ailleurs. On va parler de de ta dernière lecture, HKO. Alors oui, Donc, encore. ça s'appelle donc Que sa volonté soit faite. C'est toujours édité chez Kana, comme tu l'as bien précisé tout à l'heure. Voilà, là ça tape plus dans le shonen de comédie romantique. Parce que voilà, faut savoir que si je me suis mis au manga, c'est pas la comédie romantique, c'est par Lovina précisément. Quasiment, pareil. Ah, mais voilà. Bakuman. J'avais commencé avec Lovina et Captain Tsubasa. D'accord, bon ben voilà. C'est un peu différent, hein. C'est un peu Ah différent, oui, mais mais. ça reste du shonen, ça reste du shonen, c'est dans la Et il catégorie y a de la shonen. comédie romantique un peu Et dans Tsubasa. pour Oui. faire le lien avec Bakuman, on apprend des choses sur le système de scolarité au Japon. Entre autres. C'est vrai. Très juste. Je te laisse continuer, HKO. Bref, pour en revenir à Que sa volonté soit faite, qui s'appelle également, bon alors, veuillez excuser la prononciation, mais Kami no Mi Zoshu Sekai, également en anglais The World God Only Knows, ce qui signifie pour les deux Le monde que seul Dieu connaît, qui a donc été traduit chez nous par Que sa volonté soit faite. Oui, pourquoi pas. Il a été publié à l'origine dans le Weekly Shonen Sunday, que l'on connaît notamment pour Detective Conan, pour Silver Spoon, pour Keiichi et Ranma ½, entre autres. Donc, un magazine qui n'a pas non plus énormément de séries super connues chez nous, comme pourrait l'être le Jump, mais qui a quand même quelques perles à son actif. Bref, quoi qu'il en soit, Que sa volonté soit faite raconte l'histoire de Keima Katsuragi, que l'on surnomme Dieu tombeur sur l'internet, parce que ce type-là est juste super fort pour draguer les filles dans les jeux de drague. Très important. Et en fait, le mec est vraiment un hardcore gamer du jeu de drague, c'est-à-dire que même lorsqu'il y a 50 types qui essaient de terminer le jeu plus rapidement que lui, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Le type, il est capable de jouer à 6 jeux de drague en même temps, de se rappeler du scénario, et il n'y a aucun souci. Bref, le mec, c'est vraiment un dieu, ça, un dieu du jeu C'est vidéo. vraiment un mec ultra flippant. Ah ouais, non mais voilà. De toute façon, voilà, faut savoir qu'il est très doué en classe. sans rien faire. Hein. C'est ça qui est extrêmement chiant pour tout le monde. C'est un otamégas, un otaku à lunettes, si vous préférez. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'il joue à sa console façon Oculus Rift en pleine classe, déjà, un, c'est standard chez lui. Et de deux, le prof arrive et lui dit « Qu'est-ce que tu faisais ?» Bah, je jouais, tout simplement. Et il raconte comme ça que, selon ce qu'il vient de calculer, il existe 600 jeux qui sont plus intéressants que son cours, et seulement deux qui sont en dessous. Voilà, en mode rien à foutre. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un pur gamer du jeu de drague, il reçoit un message sur sa PFP. Je n'ai pas un CV sur la langue, c'est bien la PFP. On lui propose un défi, Dieu tombeur, j'ai un énorme défi pour toi, est-ce que tu acceptes? Il fait « Oui, bien sûr ». Et c'est là qu'apparaît une petite démone toute mouée devant lui. Il y a beaucoup de mouées dans ce manga, je préfère prévenir. Et c'est là qu'il se retrouve donc lié par pacte à cette démone. C'est-à-dire que s'il n'accepte pas la tâche qui va lui être incombée, il mourra décapité, tranquillou, peinardou, parce qu'il a un collier explosif autour du cou. excusez-moi. Donc c'est quoi ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit séduire des filles, des vraies filles. Donc il va se servir de ses connaissances, on va dire, en jeu de drague pour séduire les filles. Et devinez quoi, ça marche pas du tout. Voilà. C'est étonnant. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ça, alors les filles ne sont pas aussi simples que des programmes informatiques. J'ai cru. Bref, et bon, quand même, il arrivera au cours du premier chapitre à séduire la première fille. Et voilà, en fait, c'est au début, en tout cas, c'est beaucoup ça. C'est une nouvelle fille apparaît, elle semble correspondre à un cliché de jeu de drague, et en fait, on se rend compte très très vite que pas du tout. Et il devra user de stratagèmes divers et variés pour conquérir son cœur. Alors, pourquoi conquérir le cœur des jeunes filles comme ça, vous allez me dire? C'est tout simplement parce qu'il y a des démons des anciens enfers, et ça, ce sera, comment dire, approfondi plus tard dans le manga, qui viennent se loger dans le cœur des jeunes, dans les failles du cœur des jeunes filles qui ont chacune leurs problèmes, surtout à cet âge-là. On est en période lycée chez nous, donc 15-17 ans, on va dire. Voilà, donc en les séduisant, forcément, les failles de leur cœur se comblent. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et je veux bien le croire. Et voilà, et c'est donc ceci comme ça qui se déroule, avec des clichés plus ou moins bousculés, ou des pas clichés des fois. Justement, c'est un moment intéressant du manga. Moi, j'aime bien parce que c'est très marrant, et surtout pour ceux qui aiment le jeu vidéo, c'est du festival de références, il y a de la parodie tout le temps. Bon, par contre, c'est un humour très japonais, très exagéré, on va dire, enfin, avec les personnages qui ont des réactions disproportionnées, les décors qui changent entièrement, ainsi de suite, enfin, exagération à la japonaise. Mais voilà, moi j'aime bien, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est évident. Et voilà, c'était mon petit coup de cœur il y a de cela 5 ou 6 ans, quand j'avais commencé à lire en scan, et que je me suis arrêté subitement, puisque parution française. Et, félicitations. Ouais, et c'était très dur. Soyons clairs, c'était très dur. le manga est terminé au Japon maintenant. Chez nous, on est au tome 16, donc à peu près un peu plus de la moitié du récit. Où ça part un peu plus sérieusement, hein. On va arrêter un petit peu au bout d'un moment avec la séduction, sinon le mec il va avoir 50 amantes, ça va pas se faire. Ça a commencé à se voir. Ça va commencer à se voir, mais faut voir qu'il y a quand même une petite facilité, puisque à chaque fois qu'il séduit une fille, elle ne se rappelle plus de rien. Du moins le croit-on. Et... rebondissement. Et ouais. Ah bah oui, rebondissement en cascade pour le coup, surtout ces derniers temps. Donc voilà, une petite série sympathique qui plaira pas à tout le monde encore une fois, mais qui peut se tenter, surtout si vous avez des affinités avec le moe. Tout ce qui est mignon. Tout ce qui est mignon, les jeunes filles aux grands yeux, tout ça, tout ça. Alors on va passer maintenant aux bandes dessinées. Alors juste une bande dessinée cette fois-ci, Le Château des Étoiles, que tu as lu, Toon. C'est moi. Raconte-nous de quoi ça parle, c'est prévu en combien de tomes, et est-ce que c'est bien? C'est très bien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien. C'est dessiné et scénarisé par Alex Alice, qui est un auteur français de bande dessinée que l'on connaît notamment pour son œuvre Siegfried, qui est pas loin d'être un classique de la BD, franco-belge. Et donc là, on part donc sur le château des étoiles, qui se déroule en, donc le récit se déroule en 1868, enfin le début en 1868 et ensuite en 1869, où en gros on a une source d'énergie, l'éther, que l'on suppose se situer dans la partie haute de l'atmosphère, mais que forcément en 1868 on n'arrive toujours pas à atteindre, donc ça reste une énergie supposée. Et on commence le récit avec Claire Dulac, qui est une aventurière aéronaute, donc qui décide de monter en ballon jusqu'à 9000 mètres, là où elle suppose trouver de l'éther. Et on la voit au début avec son jeune fils Séraphin et son mari Archibald, qui est lui-même ingénieur. Et donc le récit commence de cette façon. Donc elle monte, on la voit prendre des notes dans un carnet, jusqu'à ce que donc elle arrive aux 9000 mètres. Elle ne trouve pas l'éther, elle continue de monter, etc., jusqu'à 13 000 mètres. Et là, elle trouve de l'éther et en même temps le ballon explose, enfin il se passe quelque chose et on suppose qu'elle meurt. Mais en même temps, du coup, le carnet de notes est éjecté du ballon et on se retrouve un an plus tard où Archibald et Séraphin du Lac reçoivent un courrier disant que une personne a retrouvé le carnet de notes et que s'ils veulent venir le chercher, il faut qu'ils aillent en Bavière, dans un château dans le château du prince de Bavière. Et donc on les suit, ils vont vers ce château et ils se rendent compte qu'il y a des ingénieurs, etc., qui essayent de mettre au point un ballon pour aller dans l'espace grâce à l'éther qui devrait être récupéré aux 13 000 mètres. Je suis un peu long dans l'explication, mais Non, non, mais vas-y. et donc voilà, c'est une aventure, c'est vraiment un récit d'aventure. C'est très ça fait très Jules Verne. Dans l'esthétique et dans la façon de, enfin dans l'histoire telle qu'elle est Dans le racontée, voyage. dans le voyage, voilà, tout à fait. Et en fait, ça parle des prémices de la conquête de l'espace, en fait, puisque on découvre, c'est à l'époque où Bismarck commence à étendre la Prusse et à conquérir les autres territoires allemands, et on découvre que son but à lui, c'est de conquérir l'espace et d'aller au-delà de la Terre, ce qui est aussi le roi de Bavière. Et en fait, il y a tout un récit autour de l'éther, de récupérer l'éther, etc. Et c'est très intéressant à lire, c'est un vrai récit d'aventure. En plus de ça, donc il y a deux éléments qui jouent énormément en sa faveur. C'est déjà le dessin d'Alex Alice qui est absolument sublime. C'est très bleuté, forcément, puisque ça se passe beaucoup dans le ciel et dans l'espace, avec des ciels étoilés qui sont assez magnifiques. Il y a cette esthétique très steampunk, sans le côté steam, en fait. Qui est très 19e siècle, c'est vraiment très joli. En plus, c'est de la peinture directe qu'il a fait, puisque avant c'était pas le cas quand il travaillait sur Siegfried. Et il y a un côté aquarelle qui est vraiment très joli. En plus de ça, son découpage est super intéressant, parce qu'il intègre un peu les codes architecturaux de l'époque dans la construction de ces fenêtres, enfin de ces cases, pardon, qui est vraiment très intéressant. Et l'autre très gros point fort, c'est sa publication, c'est-à-dire que c'est en trois chapitres qui ont été prépubliés au mois de mai, juin et juillet, et qui sont sous forme de gazette, un journal, voilà, c'est publié de façon journal, donc sur un format A3 plié, avec un papier journal, bon, pas, c'est pas du journal de mauvaise qualité. Comme des quotidiens qu'on a en France, par exemple, mais c'est vraiment sur un papier épais, mais ça fait très. Ça fait gazette, en fait. Et le format est vraiment très intéressant. En plus, donc ça fait chaque chapitre fait 24 pages. Et à la fin, on a le droit à des articles, comme dans un journal, qui sont rédigés en plus par Alex Nikolavitch, qu'on connaît beaucoup pour des traductions de comics comme Spawn, qui a aussi scénarisé des mangas à l'époque de. Enfin, du global manga à l'époque de la tentative Shogun Mag par les humanoïdes associés, où il avait scénarisé deux mangas. Et c'est un mec qui a une vraie patte. Il connaît enfin, il a écrit en plus plusieurs bouquins, notamment des livres chez les moutons électriques. Qui sont vraiment très intéressants, et donc il a une vraie écriture, et à la fin donc il écrit sous plusieurs plumes, noms de plumes, des articles sur l'univers qui prolongent l'univers et qui rendent le tout encore plus intéressant. Donc voilà, donc je suis vraiment tombé amoureux du format. Chaque numéro, donc il y en a trois, chaque numéro coûte 2,95 €. Donc c'est vraiment pas cher, le format est sublime, en plus les planches de l'auteur sur un format A3 c'est magnifique. Pour ceux que ça rebuterait ou qui préféreraient avoir les trois compilés, le 24 septembre il me semble, il y a une version compilée en hardcover, donc dans un format plus classique qui va sortir. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage, parce que justement, ce qui faisait la force de. Ce qui fait une partie de la force de cette BD, c'est justement ce format gazette. Mais cela dit, c'est une BD qu'il faut vraiment lire, je pense, qui est vraiment très intéressante à lire, notamment bah, par son esthétique, qui est vraiment, je le répète, mais c'était assez magnifique. Et pour la suite, il y a trois autres chapitres qui sont prévus l'année prochaine sous le même format, mai, juin, juillet, en prépublication sous forme de journal, avec certainement un volume 2 compilé de ces trois chapitres par la suite, enfin dans le courant de l'année 2015. Et voilà, et je vous le recommande vraiment, c'est édité par une édition qui est très récente qui s'appelle Rue de Sèvres. Qui a un an et demi maintenant, et qui depuis le début propose déjà pas mal d'ouvrages de qualité, notamment Ils n'ont pas fait du manga aussi? pas ma connaissance, mais ils ont par exemple édité ou réédité des œuvres de Zep, ces œuvres plus personnelles que ce qu'il a pu faire sur Titeuf évidemment, et qui sort plus régulièrement depuis quelques années. Mais voilà, c'est un éditeur intéressant, et vraiment le Château des Étoiles, je vous le recommande à fond parce que c'est très très joli, c'est une vraie aventure, et si vous pouvez trouver les chapitres prépubliés sous forme de journal, vraiment je vous le recommande parce que ça vaut vraiment le détour. Très bien. Alors. Ça a l'air fabuleux, franchement. J'ai regardé un petit peu là pendant que tu en parlais et vraiment ça a l'air vraiment super. Ouais, vraiment en plus les retrouver sur ce format A3 qui est vraiment très très grand du coup, avec cette qualité de papier et cette espèce de grain un peu journal, ça donne vraiment énormément de cachet aux dessins qui sont vraiment magnifiques avec beaucoup cette teinte très bleue. Et cette esthétique très très très Jules Vernienne, si on peut dire ça comme ça. Mais vraiment, ouais, je vous le recommande. Je me pose juste la question de la, comment dire, de la durabilité de la BD, du coup, point de vue physique, hein, s'entend. Ouais. Le papier est vraiment de qualité, hein. C'est un papier très épais. L'encre a l'air vraiment bonne. Après, je pense qu'il faut en effet plus le garder. Alors, si, je Soigneusement. pense dans une pochette ou voilà, c'est de toute façon en bibliothèque ça a peu d'intérêt puisqu'il n'y a pas de tranche, il n'y a pas d'éléments comme ça, mais c'est vrai que c'est à voir sur la durée comment évolue l'objet. Remarque, il y a des bibliothèques qui ont des tas de publications, des journaux quotidiens qui datent de 1970 à 1950, toujours, hein, C'est vrai. toujours Je en pense que état, c'est complètement lisible. voilà, c'est juste faut faire attention à la conservation. Faut évidemment éviter les zones humides, on va dire. Et les chats. Mais je pense que ça devrait bien se conserver. Ok. Bon, bah c'est cool. Alors, bah, du coup, je parlais du magazine Shkao. On va vite fait parler du coup des lectures des uns et des autres. Alors, rapidement, peut-être les humanoïdes, pardon, les humanoïdes, Humanoïdes Magazine, pardon, Antoine, Tuntun. Ouais, par enfin Par l'équipe, une partie de l'équipe de Canard c'est PC. Presse Non-Stop, C'est ça. l'éditeur. Donc c'est le même l'équipe de Canard PC avec on retrouve pas mal de plumes communes et c'est Yvan Godet qui est rédac chef. Exactement. Et donc des plumes assez connues qui apparaissent au fil des pages. Et en fait, voilà, c'est un magazine qui est basé, enfin, qui parle de l'high-tech de manière globale. Et qui est. Un peu dans l'esprit du magazine Wired, pour ceux qui Ouais, connaissent. un peu ça. En français. C'est plus simple. Exactement. Et avec un vrai ton surtout et une vraie accessibilité. C'est des sujets pointus, il y a des sujets vraiment très pointus, mais c'est fait de façon claire. Il y a une vraie volonté, en tout cas, de vulgariser, les papiers. C'est exactement ça. Ça reste pointu, mais c'est accessible, c'est vraiment accessible. Et il y a un humour que, en règle générale, j'aime beaucoup, en plus de ça. Et voilà, la maquette. Est plutôt bonne, elle est claire et il y a des articles très intéressants. C'est vraiment varié en plus. Je prends par exemple, il y a un article sur les écoutes de la CSA, L'NSA, la NSA. NSA. Avec l'affaire Snowden Oui, notamment. j'ai fait un mélange de CIA et NSA. Ou CSA Et tout court. avec, voilà, c'est surtout l'affaire Snowden. Voilà. Il y a un assez long article sur L'exploration sur Mars. les enjeux de l'extension sur Mars, Ouais. voilà. Pas très intéressant. Ouais, qui est vraiment Il très y très a bien. aussi un article qui était vraiment pas mal. Alors là, du coup, c'est qui est vraiment pointu, mais sur la gestion des séismes. Est-ce qu'on pourrait, de quelle façon on peut. Ouais, alors c'est peut-être un des articles que j'ai le moins aimé, parce que lui, très technique Ouais. et moins accessible. Pas évident d'accès, mais du coup, ce que j'aime bien dans ce type d'article et dans ce type de magazine, c'est du coup, ça t'oblige à ouvrir des portes, d'aller faire des recherches par toi-même pour mieux comprendre et aller plus loin, approfondir le sujet. C'est vrai, C'est c'est vrai. une vraie bonne chose, du coup, d'attiser la curiosité par le biais de ce type de sujet, quoi. Ça va vous parler d'un clavier ultra pointu en passant par, comme tu sais, l'exploration. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une exploration sur Mars et dans Ouais, quel temps, il temps y de passage, a quoi. l'arrivée de Netflix aussi en France, il y a. Il y a beaucoup de petits articles aussi, des articles qui tiennent sur une double page avec pas mal d'infographies. Je pense par exemple à l'article sur l'impression 3D ou celui sur les bitcoins par exemple. Ou à la manière de d'ailleurs à la manière on peut parler à la manière de Canard PC, il y a très très peu de pubs, Oui. pour ne pas dire D'ailleurs, c'est aucune. un vrai pari de leur part, puisque, enfin, un vrai pari. Disons qu'ils n'ont pas fait spécialement d'études de marché, Ils se lancent sans pub. Vraiment, ils font un magazine comme ils ont envie de le faire, sans trop se soucier de quelle retombée ça aura. D'ailleurs, j'avais lu un article, une interview de Yvan Godet, où il disait que ils avaient prévu en fait assez de fonds pour financer quatre numéros à perte. Donc vraiment, ils attendent pas. Enfin, ils sont partis dans l'optique où on fait vraiment le magazine qu'on veut. Si ça marche, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc ça, par contre, ça sort tous les 2 mois. Oui, c'est bimestriel. C'est bimestriel, du coup, ça permet aussi de trouver encore le premier numéro en kiosque. Et voilà, c'est vraiment à conseiller, même pour, on va dire, la culture numérique, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas la culture numérique, parce que ça permet aussi de faire des liens entre des sujets que l'on pourrait penser étrangers l'un de l'autre, et c'est plutôt bien, bien pensé, bien mis en avant en tout cas. Deux questions avec des chiffres. Combien de pages et pour combien? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Le prix, c'est 5,95 €. Et le nombre de pages, il est d'une centaine de pages. D'accord. 80, 99. Donc bien fourni, surtout qu'il n'y a pas tellement de pubs, quoi. Oui, il y a assez peu de pubs et la maquette est assez claire. Et du coup, on a quand même pas mal de choses à lire. Exactement. Alors tu vas nous parler rapidement de Kaboom, hein, donc un magazine spécialisé dans la bande dessinée en général. Tout à fait. Donc c'est un Kaboom qui est passé bimestriel depuis le début de l'année. Actuellement, on en est au numéro 6 qui est sorti au mois d'août. Et c'est un excellent magazine. C'est beaucoup d'analyses et d'articles de fond. Beaucoup d'interviews aussi. Je pense par exemple au tome, enfin au volume 5. Qui comporte une très longue interview de Jean Giraud, qui est vraiment très très intéressante et si vous pouvez la récupérer, c'est vraiment à lire. Dans le même volume, il y a un article sur l'œuvre de Léo, le classique de un des grands classiques de la BD de SF, Aldébaran. Et son auteur Léo, qui est vraiment super intéressante aussi. Là, dans le dernier numéro, il y a un gros dossier à prendre la bande dessinée avec des auteurs assez connus, enfin, qui ont une vraie expertise. Et du coup, c'est beaucoup d'interviews, beaucoup d'articles, de fond, d'analyses, etc. C'est assez dense. Il y a pareil une centaine de pages selon les numéros. Ça coûte 7,95 €. Mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à lire et surtout des choses très intéressantes et assez variées. Ça touche le manga, la bande dessinée, le comics. Ça touche un peu tout et sans discrimination, on va dire. Sans a priori en tout cas. Ouais, ça parlera aussi bien de manga que de bande Voilà, dessinée il y a beaucoup de plumes, européenne, il y a beaucoup de plumes différentes. franco-belge, pardon. Chaque fois, c'est des gens qui connaissent vraiment bien la culture, enfin le milieu de la bande dessinée. Et du coup, c'est vraiment super intéressant à lire si on veut aller un peu plus loin dans l'histoire et dans l'analyse de la BD. Alors ça coûte combien et pour combien de pages? 7,95 € et une centaine de pages, comme je l'ai dit il y a à peu T'as près deux déjà minutes. dit. Ah pardon, oh là là, encore une fois, c'est mon trou de mémoire pour chaque émission, comme à Habituel, chaque fois. ouais. Mais c'est pas grave. C'est On désolant de ma t'aime bien quand part. même. Je vais finir, je vais pas finir parce que je parlerai après d'une série, mais au niveau des magazines, je parlerai donc de Comic Box, qui est assez. En fait, je suis tombé dedans parce que j'ai eu l'erreur de. Bah, l'erreur. Donc je suis allé voir Les Gardiens de la Galaxie, ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, oh, faut que je m'intéresse un peu plus aux comics, comme à chaque fois que je vais voir un film Marvel au cinéma. Et donc je suis tombé sur Comic Box, qui me faisait déjà plusieurs fois de l'œil quand je passais chez le marchand de journaux. Et donc alors là, ça coûte quelques 6,90 € pour 98 pages, 100 pages. Hein. Il n'y a pas de pub, hein, il n'y a aucune pub. Hein. C'est très très bien. Il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils font. Alors c'est un magazine des cultures comics, hein, donc ça va parler aussi bien du DC Comics que du Marvel, vraiment de tout quoi. Et ça permet d'avoir des vrais beaux sujets, notamment des présentations de personnages. Alors il y a notamment la présentation de Star-Lord, donc des Gardiens de la Galaxie, de Rocket Raccoon également, de Hawkeye, donc à chaque fois c'est de leur création et de leur évolution au sein des différents comics dans lesquels ils apparaissent. Il y a beaucoup d'interviews là, et notamment il y a une interview par exemple d'Olivier Coipel, qui est un dessinateur français très connu pour ceux qui s'intéressent aux comics. Donc voilà, Qui a fait notamment le très très bon Thor Renaissance. entre autres, Oui. Ou il y qui a fait a House of M aussi. Enfin, ouais. voilà Il des fait belles beaucoup de très bonnes choses. belle référence. C'est vraiment très très bah, franchement, même pour quelqu'un comme moi qui ne connaît pas trop les comics, mis à part ce qu'on peut en voir par le biais du cinéma ou d'autres médias, et ben c'est un excellent, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée, une excellente porte d'entrée même vers l'univers des comics pour s'intéresser à comment ça fonctionne un comics. Quels sont les personnages importants, quelles ont été leurs évolutions et quelle est l'évolution des comics dans le temps. Donc voilà, je vous conseille. Alors c'est peut-être un petit peu cher, mais bon, comme à la manière d'un humanoïde, d'un Kaboom, c'est un bimestriel, donc ça se lit, ça permet, il y a beaucoup de texte et ça permet d'avoir le temps de le lire avant le prochain numéro. Et pour le coup, c'est, je crois, mis à part les comics qui sortent chez Panini, chez les marchands de journaux, c'est la vraie seule lecture de référence, en dehors des sites internet, évidemment, je parle, en version papier que l'on peut trouver dans le commerce. Donc voilà en ce qui concerne Comicbox, en ce qui concerne les magazines qu'on a pu lire cet été. Alors je vais terminer rapidement, je ne sais pas si l'un de vous l'a vu également, mais de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Navré. Ouais, c'est-à-dire Non. quoi? Navré, ça veut dire j'ai pas vu. Ah, navré, pardon, j'ai cru entendre un message, un mélange entre non et ouais. Ah, Donc j'étais un peu. non, navré, ça aurait pu dire que tu t'es Ouais. navré d'avoir vu la série. Ah, Ouais, du tout, non, alors. j'ai pas vu. J'ai pas vu donc. Alors qu'elle est. Alors, donc l'histoire, en gros, c'est très simple. On va suivre. Si vous avez vu les différents films Marvel, vous devez savoir ce qu'est le Shield, dirigé d'une main de fer par Nick Fury. Même si dans Captain America 2, il en prend un peu pour son grade aussi. Donc, on va suivre en fait les membres d'une brigade au sein du Shield. Et on retrouve notamment. Alors, ce qui est, je trouve déjà très intéressant, c'est pour ceux qui ont vu les différents films, en fait, cette série s'insère parfaitement dans ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire l'univers narratif dans lequel on retrouve. Les films Marvel, notamment ben, The Avengers, Thor, comme tu faisais allusion tout à l'heure, Toontoon, Iron Man, j'en passe et des meilleurs coups. On retrouve ce qui est aussi vraiment bien, c'est qu'on va retrouver des personnages, donc notamment Nick Fury, qui va faire une apparition, qui va faire quelques apparitions dans la série. On va retrouver des références, par exemple aux Asgardiens. De Thor, voilà vraiment plein de choses qui parleront à ceux qui n'ont pas vu qui ont vu les films pardon mais qui n'empêchera pas ceux qui n'ont pas vu les films de ne pas s'intéresser à la série. On retrouve alors notamment l'agent Coulson qu'on avait retrouvé en fâcheuse posture dans The Avengers et du coup le un des fils narratifs de la série ça va être de savoir de découvrir ce qui lui est arrivé parce qu'on le pensait mort dans Avengers et on le retrouve en chair et en os et bien vivant dans la série. J'imagine bien le truc, oui. Mais agent Coulson, mais vous étiez mort. Oh, je vais mieux. C'est ça, mais en plus il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est très très, bah, c'est très très drôle. Non, c'est pas drôle, mais on découvre en fait qu'il a rêvé qu'il était à Tahiti. Alors en fait, Tahiti, c'est pas forcément, on lui a fait croire ça, mais c'est pas forcément ce qui s'est passé. J'ai oublié d'insérer une balise de spoiler alerte, mais c'est pas grave. Alors pour le coup, on sent qu'il y a pas un gros budget pour la série. Hein, on sent qu'il y a des moyens limités, mais ça reste quand même assez bien foutu. Les effets spéciaux sont bien bien foutus du coup. Ils sont distillés, j'imagine. Ouais, voilà, c'est mais franchement pour le coup, c'est plutôt bien intégré et ça passe vraiment bien pour une série télé. J'ai vu pour l'instant que la moitié de la série, donc j'ai pas encore un avis définitif sur l'intégralité de la saison 1, hein, mais il y a quand même on suit quand même des personnages qui sont intéressants, qui vont prendre de la profondeur aussi, de l'épaisseur surtout tout au long de la série. Les curseurs vont bouger en fait, hein, parce qu'on il y a des personnages qu'on va croire un peu chétifs ou pas forcément habilités à travailler dans cette unité d'élite, entre guillemets. Alors que finalement, ils vont montrer dans d'autres épisodes qu'ils ont quand même de sacrées capacités et qu'ils vont pouvoir aussi braver le danger, qu'ils ont l'esprit surtout pour faire partie de cette équipe. Donc c'est vraiment, vraiment bien fait, bien foutu. Les personnages sont plutôt intéressants. J'avais vu, moi, en fait, avant de commencer la série, beaucoup de personnes qui trouvaient la série plutôt mollassonne et pas très intéressante. Je suis un peu surpris par rapport à ça, parce qu'il y a quand même il y a quelques épisodes où on sent vraiment, c'est vrai, une baisse de rythme, ou qui s'insère un peu comme des fillers à la manière de ce qu'on peut trouver dans les animés japonais. Mais pour le coup, là, c'est on a quand même une série qui se tient et qui permet aussi de découvrir un peu plus ce qu'est le Shield, et d'avoir aussi une compréhension de l'univers un peu plus importante, du Marvel Cinematic Universe un peu plus importante. Et du coup, le faire par le biais d'une série, ça permet aussi, étant donné qu'on est sur une série importante d'une vingtaine d'épisodes pour une durée de 45 minutes par épisode, donc ça permet aussi de développer des points qui n'ont pas le temps de l'être au cours des films. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de jeter un œil et de passer aussi de passer outre les premiers épisodes, histoire de vraiment avoir un avis définitif sur la série pour savoir si elle vous plaît ou pas. Je profite qu'on soit revenu à Marvel pour dire, rapport aux Gardiens des Galaxies, ne ratez pas la scène de post-credits. Franchement, ne la ratez pas. Ouais, même si elle n'apporte pas Elle grand-chose. apporte pas grand-chose, mais j'ai adoré le clin d'œil. Tu pensais pas voir ça à ce moment-là? Non, non, non, non, bah surtout ce personnage-là, que je connais un petit peu, c'est pas un grand personnage, on va dire. Mais quand même, ça fait plaisir, c'est vraiment le truc complètement inattendu qui arrive bien. C'est sûr. Alors on va terminer, parce que j'étais parti sur terminer sur la série, mais j'avais oublié que Antoine Tuntun avait une vie à l'extérieur Eh oui, d'Internet. je sors des fois. Il sort, voilà, il met ses lunettes de soleil. Bon, enfin, c'est pour aller voir des trucs Pas dans faux. des salles sombres. Parle-nous du Futuroscope que tu as eu la chance d'aller voir cet été. La chance, Ah! voilà. Non, disons que j'y suis allé, j'ai payé plein tarif. Et je trouve le prix assez élevé pour ce qu'on y propose. C'est-à-dire que j'ai payé 42 euros. Malgré tout, alors il y a des choses, il y a des très bonnes choses, et il y a des choses moins évidentes. Alors, dans les très bonnes choses, par exemple, donc j'ai commencé ma journée en fait par Le Petit Prince. Qui est un film d'animation dans une salle, un cinéma 4D en fait. C'est-à-dire qu'on est debout sur une plaque qui suit les mouvements du film d'animation. Ça, plus le fait qu'on envoie de temps en temps un petit peu d'eau et un petit peu d'air en fonction de ce qui se passe à l'écran. Le film d'animation est pas mal foutu. Le design me laisse un petit peu sur certains éléments, notamment le renard. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais c'est bien animé, c'est très joli et c'était plutôt pas mal en fait pour commencer la journée. Ensuite, je suis allé voir Arthur. L'aventure 4D qui est une attraction assez courte, ça dure 4 minutes je crois, et c'est là où on fait le plus de queue, malheureusement, qui est vraiment la grosse attraction du parc. C'est donc un petit film avec Arthur et les Moïse, pardon. Et on les suit dans un cinéma dynamique un peu pareil avec les lunettes 3D, les sièges qui bougent assez fortement Et un petit peu d'eau, un petit peu d'air en fonction de ce qui se passe, notamment un rat qui nous crache dessus. C'est assez agréable. Gentil. Ouais, ça va, ça passe bien. Alors, l'attraction en elle-même est vraiment, vraiment pas mal. Le seul problème, c'est que c'est des lunettes 3D actives. Et je sais pas, je devais plus avoir de batterie ou un truc comme ça. Et j'ai vu flou pendant tout le truc. Mais Merde. flou, vraiment flou, quoi. C'était soit mal calibré, soit mes lunettes elles avaient plus beaucoup de batterie ou je sais pas. Mais du coup ça m'a gâché mes 4 minutes de plaisir parce que bah, je suis ressorti en 4 minutes, je suis ressorti avec une migraine pas possible quoi. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage parce que à côté de ça j'avais mon frère et sa copine qui était avec moi et eux, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont pas eu de problème avec la 3D, donc, voilà. J'étais un petit peu déçu là-dessus. Voilà, mais c'était vraiment la grosse attraction que j'ai faite et qui était en soi pas mal malgré ce problème de lunettes. Après, j'ai fait des attractions qui sont assez anciennes. Je pense par exemple à un truc avec des dinosaures, enfin des monstres marins de l'Antiquité qui a quand même méchamment vieilli. Ça doit dater de la fin des années 90. Aïe. C'est dans l'espèce de dôme, un grand dôme blanc. Et c'est projeté directement sur le dôme. Et en fait, ouais, la 3D est plutôt pas mal, mais l'animation et les modèles 3D sont quand même vraiment vieillissants. Et c'est un peu le problème ce que je reproche au Futuroscope, c'est que il y a beaucoup trop d'attractions qui n'ont pas été renouvelées. Par exemple, alors je sais plus comment il s'appelle, comment elle s'appelle cette attraction, mais c'est une salle où on a un grand écran devant nous et un grand écran sous les pieds. Et c'est des films qui datent de la fin des années 80. Et donc ça a beau être projeté en IMAX, bah c'est pas terrible quoi. Les trucs avec les papillons là. Si, si, si, c'est ça, mais Ah, ok, moi j'y alors étais ils allé en changent. 99. Ouais, bah moi j'y suis allé il y a une quinzaine d'années aussi. Et il y était déjà. Alors c'est des films qui changent. Ils ont trois films qui changent chaque année. Mais en gros, ça reste la même chose et ça a méchamment vieilli quand même. En plus de ça, dans cette salle, donc l'écran au sol, en fait, c'est un écran, un immense écran qui est sous la salle. Et on a un plexi sous les pieds qui nous permet de voir cet écran. Le problème, c'est que le plexi, je ne sais pas depuis combien de temps il est là, mais il est totalement rayé et c'est assez difficile de distinguer l'écran qui est en dessous. Ah oui, carrément. Ouais. Et du coup, c'est là où tu te dis, merde, j'ai dépensé 42 euros, quoi. Mais malgré tout, à côté de ça, il y a des trucs qui m'ont mis une claque monstrueuse, qui m'ont fait extrêmement plaisir. Dans ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est par exemple une attraction qui s'appelle le 8e continent, qui est en fait un jeu interactif. On est dans une salle avec 30 comme des motos de bornes d'arcade qui sont sur vérin et qui bougent en fonction de l'action. Et on a un pistolet en plastique qui nous permet de tirer sur l'écran. Et en fait, c'est un jeu comme ça où c'est une attraction été développée en partie par une célèbre navigatrice dont j'ai oublié le nom, dont j'oublie toujours le nom, et qui a pour but Arthaud, de sensibiliser. Laurence Euh, Arthaud, non, non, non. Maud Fontenoy, Non, non, non. donc Oui. ça. Si, si, Maud Fontenoy. Et du coup, le but c'est de sensibiliser à la gestion des déchets, par contre. Pardon, je me perds dans mes mots. Et en fait, c'est le 8e continent parce que on sait que Tous les déchets qu'on achetait dans les océans se sont regroupés et forment un espèce d'immense continent, une surface complète de déchets. Et en fait, le film, je me mets à parler anglais, le film nous met dans des situations où on doit tirer sur des déchets. Et il y a une gestion des scores, et donc on voit l'affichage des photos prises pendant le jeu, où on voit les meilleurs scores, les visages des meilleurs scores, etc. Donc c'était plutôt sympa. Bon, c'est de la 3D un peu vieillotte également, mais le concept était sympa. Et dans toute la file d'attente, en fait, il y a énormément d'informations sur justement le tri des déchets, la gestion des déchets. Ce qu'on en fait, l'avenir, etc., le huitième continent, tout ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et ensuite, il y a vraiment deux attractions qui m'ont botté à fond. C'est Mission Hubble, qui dure 32 minutes et qui doit être qui se trouve dans le pavillon IMAX 3D, qui doit avoir le plus grand écran du parc, en fait. Et pendant 32 minutes, on voit des images de la dernière mission de maintenance du satellite Hubble, La qui est un classe. satellite télescope, en fait, qui permet de scruter l'univers sans avoir la pollution atmosphérique, enfin de notre atmosphère depuis la Terre, en fait. Et donc la dernière mission de maintenance s'est faite en 2002, 2009, pardon. Et donc on suit pendant 32 minutes donc la mise en place de cette mission et des images filmées par les spationautes eux-mêmes dans l'espace, et tout en 3D dans une qualité incroyable. C'est vraiment magnifique. C'est Bah, forcément, ça rappelle Gravity qui est sorti l'année dernière, sauf que là, c'est vraiment dans l'espace, et c'est assez fabuleux à voir avec une telle qualité et sur un écran aussi grand. Et la deuxième attraction qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu, ça en reste dans l'espace, c'est au planétarium, en fait. Il y a un planétarium avec un dôme, et c'est un film qui dure une vingtaine de minutes, qui s'appelle Choc Cosmique, et qui parle justement de la création de l'univers et comment les galaxies et les systèmes s'entrechoquent et forment de nouveaux systèmes, etc. C'est un documentaire qui a été réalisé par un institut national un institut de recherche spatiale aux États-Unis. À la base, c'est narré par Robert Redford. Bon, nous en France, on a eu Laurent Dutch. Mais c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout que dans le planétarium, avec la qualité technique de l'animation, enfin de voilà, parce que c'est forcément c'est pas de la prise de vue réelle, hein, c'est de la Ils CGI en sont pas gros. partis filmer des galaxies. Bande d'enflures. Non, ils ont envoyé des mecs, mais enfin des chiens, je crois, mais ils Ils sont pas n'arrivent pas à revenus. servir des caméras, en fait. C'est ça. Ils avaient une DV, mais c'était pas terrible. Mais du coup, non, c'est vraiment très sympa. En plus, avec ce dôme et tout, on est quasiment allongé, en fait. On est dans des fauteuils en position presque allongée, tout en 3D, et c'est assez incroyable à voir. Et donc voilà, ça fait partie vraiment de ces attractions qui valent vraiment d'aller au Futuroscope. Après, il y a pas mal de petites attractions, des cinémas dynamiques qui sont plus ou moins bons. Il y a le fameux pavillon de la Vienne qu'ils ont rénové il y a quelques années, et qui est vraiment qui est pas mal, même si, alors là, ça fait partie des attractions qui datent du début, mais qu'ils ont su renouveler et qui sont intéressantes à voir. Après, il y a bon des la fameuse Cyber Avenue avec des des jeux vidéo Des où PS3. là j'émettrai pas mal de critiques parce que donc Sony est partenaire et propose des PS3 avec des jeux. Le problème, c'est que c'est sur des jeux, par exemple, c'est sur FIFA 2008, NBA 2K9, il y a un MotoGP donc, qui date d'il y a trop longtemps. Et voilà, plein de jeux qui sont vraiment. Je crois qu'il y a le premier Little Big Planet. C'est pas un peu hors Enfin, sujet par c'est rapport assez incroyable. à par rapport au thème, au Non, parc non, du non, coup. non, non. C'est absolument pas hors sujet parce que le Futuroscope, c'est la mise en avant de la technologie et de la technologie pour l'image. D'accord. Et clairement, clairement cet espace rentre clairement dedans. Le problème, c'est quand tu as justement, tu es là pour l'image. Et en fait, tu te retrouves sur des PS3 avec des jeux qui datent d'il y a 5 ans et sur des écrans non HD, c'est pas possible quoi. Tu peux pas faire un truc pareil. Donc en plus, je trouve ça donne une mauvaise image de Sony qui, on dirait, a juste associé son nom filé quelques PS3 et puis voilà. Donc c'est un peu dommage, surtout que le reste de la Cyber Avenue est pas mal. Il y a notamment un robot qui dessine ton portrait, qui est plutôt intéressant. T'as un système d'holographie aussi, qui est pas mal foutu. Et du coup, il y a vraiment, bah, c'est ce que je disais, c'est de la technologie pour l'image. Et ça le met vraiment en avant. Le côté jeu vidéo, pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Après, au niveau des attractions, il y a des trucs que j'ai pas fait, comme la machine à voyager dans le temps, qui était la nouvelle attraction de l'année, avec les lapins crétins, qui était la nouvelle attraction, ou Il y a celle d'il y deux a ans, je deux crois. ans? Celle d'il y a 2 ans. Mais du coup, je l'ai pas fait, j'avais eu des retours pas super. C'était pas extraordinaire. Quand j'ai voulu le faire, il y avait 1 heure et demie de queue, donc j'ai vite abandonné. C'est pareil, il y avait la danse des robots. Alors, la danse avec les robots, j'ai eu tellement de retours extrêmement mauvais que de toute façon, j'avais pas envie de le faire. Mais quand j'ai appris que ça durait 2 minutes et qu'il y avait également 1 heure et demie de queue à faire, Ouais, c'est j'ai pas très. définitivement dit non. Et il n'y a pas un système Voilà. de coupe pour couper les fils? Si, ça coûte 15 euros de plus. Donc je l'ai pas pris non plus. Donc voilà, non, si, j'ai fait la gyrotour aussi. Donc il y a une tour panoramique qui te monte à 45 mètres pour avoir une vue globale du parc. Qui est plutôt sympa. Enfin voilà, tu montes à 45 mètres quoi. Et dans le même style, il y a l'aérobar qui te monte à 35 mètres. Et ou de dans laquelle tu peux boire une bière, un coca ou n'importe. Sauf que le 33 centilitres de 16,64, ça coûte 7,50 €. Donc finalement, j'ai préféré faire la gyrotour qui était gratuite. On n'est pas pareil. Hein. Voilà, il y a ça aussi, ça m'a un petit peu déçu. Il y a une autre attraction qui s'appelait Les yeux grands fermés et qui était un truc, une attraction de sensibilisation, on va dire, puisqu'on se retrouvait dans un dédale, entièrement dans le noir, avec un bandeau sur les yeux, et on était guidé par un aveugle, et ça nous envoyait, enfin, on devait passer des obstacles, j'imagine, comme ça a été décrit, puisque je ne l'ai pas fait. On devait passer des obstacles pour nous sensibiliser à nos différents sens comme un aveugle pourrait l'être. Alors c'est moi dans l'idée, je trouve ça très bien. Le problème c'est que ça coûte 5 euros supplémentaires et que je pars du principe que dans ce genre de parc, je paye mon entrée et je Mais c'est devrais tout. avoir accès à toutes les attractions Les gratuitement. Voilà. DLC, quoi. C'est un peu ça. Alors après, je comprends le côté. Le côté, c'est pour la sensibilisation à la condition des aveugles. Certainement que les 5 euros sont reversés à des associations ou voilà, à des organismes qui militent pour ça. Mais je trouverais ça plus juste de l'intégrer dans le prix du parc et que le parc reverse ensuite cet argent plutôt que de faire payer une fois que t'es rentré dans le parc et que t'as déjà payé tes 42 euros. C'est moi ce que j'en pense. Apparemment, beaucoup en pensaient la même chose puisqu'il n'y avait pas grand monde à faire la queue à l'attraction. Et c'est dommage parce que du coup, ça ferme la porte à une attraction qui a un peu le même but du 8e continent, c'est-à-dire parler de choses dont on ne parle pas assez et qui sont importantes. Et le 8e continent, à l'inverse, avec beaucoup plus de monde dans la file d'attente. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et du coup, je suis ressorti du parc un peu peiné sur ces points-là, mais quand même assez emballé sur des attractions qui m'ont vraiment mis une baffe et qui me font quand même ne pas regretter ma journée. T'as une bonne impression alors. Au global, ouais, après il y a des attractions que j'ai pas fait et que j'aurais peut-être, enfin j'aurais aimé faire. Par exemple, il y avait un documentaire sur l'ascension de l'Everest qui durait 40 minutes. Un film en IMAX et sur un écran sur une demi-sphère en fait. Ça c'est cool ça, oui. Et voilà, ça a duré 40 minutes, donc on a décidé de pas le faire. Mais il y a des trucs vraiment bien. C'est pareil, il y a un jardin, ils appellent ça, si je me souviens bien, le jardin des énergies, où ils ont fait différents points dans le jardin qui expliquent les différentes énergies, donc par exemple solaire, éolien, le photovoltaïque, le géothermique, etc. Et c'est assez ludique, puisqu'il y a des mini-jeux qui s'accompagnent, qui accompagnent le truc. Et voilà, ça fait partie de ces trucs qui enfin de ces éléments qui font que le parc a en plus une vraie utilité et qu'il faut aller le voir. Il faut aller visiter. Eh ben, très bien. Si possible, pas en plein tarif. C'est sûr. Eh ben, merci en tout cas à tous les deux pour ce podcast de rentrée, pour une bonne émission de reprise en main des podcasts. Alors, on ne devrait pas tarder à repartir sur le bimestriel, sur du celluloïd également, et beaucoup de sujets aussi par rapport aux jeux vidéo. On reviendra vers vous assez rapidement par rapport à ça. Et puis, on vous dit à bientôt et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment auquel vous écoutez cette émission, pardon. À bientôt. Salut! Au revoir, Thérien. Listen, babe.